Rendez-vous dès demain, 20h sur Fun Radio. 20h, on sera là. Il va se passer plein de choses. On aura des nouvelles, bien sûr, de cette histoire de fou qu'on a eue là. Avec ce Léa soir. Et Sophie et Christophe. Ouais, bien sûr, on aura la rencontre avec Thomas. Thomas et Karima qui viendra. Thomas, très très amoureux de Karima. Hein. Je pense que dans l'équipe de Mickaël, il va y avoir un petit peu de jalousie. Bonsoir, Mickaël. Non, mais t'inquiète pas, on n'est pas jaloux, nous. Vous avez entendu un petit peu, il y a un auditeur qui souhaite rencontrer Karima. C'est moi qui suis jaloux, en fait. Et il était temps. Mais comment va ton taximan, d'ailleurs, Karima? Il va très bien. Embrassons Frédéric qui nous écoute à l'heure actuelle. D'accord, d'ailleurs. Parce que donc, c'est son taximan officiel. Oui. Voilà. C'est un mec qui te chauffe un petit peu, Karima? Absolument pas. C'est Frédéric qui me raccompagne très régulièrement chez moi le soir. Voilà. Et donc c'est même plus un taxi-man officiel, c'est ce qu'on appelle un chauffeur. Oui, c'est mon ami. Sur voilà. Tu vas se prendre un dernier verre. Exactement. Non, du tout. Très souvent, d'ailleurs. Il est très gentleman. Tant mieux, comme quoi ça arrive. Comme encore. Polo. Comme... Oui, c'est vrai. Évidemment, bien plutôt sûr. Deux fois qu'une. Un bon, vrai gentleman, ce bonne Polo. Bonne soirée à vous. Ouais. Bisous, salut, à demain. Et retour demain de Love & Fun à partir de 20h pour la dernière de la semaine. Ciao. Eh ben, je t'en prie, ciao. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël. Ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oh là là, hier on a failli terminer on a failli terminer en prison avec Polo. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Vous n'avez pas vos papiers? Non, arrêté par la police. Ouais. Oh là là là là là là là. Comme deux malfrats. Moi, j'arrive, je crame le feu, je pas fait gaffe. Bah, normal. Non mais Toff et Polo sont témoins. Hier, j'étais dans un état second, voire même troisième. Voilà. Mais non, mais parce que j'avais une pharyngite. Bah, je l'ai toujours, mais bon, j'avais pris des cachetons tout ça. Et le médecin m'a dit oui, mais prends ça le soir parce que ça risque. Bon, j'avais un peu la merde de Toff. Hein. Prends ça le soir parce que tu risques de t'endormir. Voilà. C'est un truc qui te flingue, quoi. Donc j'ai appris si ça. Ma mère peut te rappeler pour te le dire. Tant mieux. Non mais c'est pas ça, mais je veux dire voilà, c'était un médoc qui cassait un peu. Donc je l'ai pris en terminant l'émission et je me suis dit je vais avoir le temps d'arriver jusqu'à la maison. Bah non, en fait non. Et donc du coup, bah j'ai pris le cacheton. Hop, on démarre avec Polo que je ramène et puis hop, qu'est-ce qui se passe? La police qui nous arrête. Mais ouais. Moi je voyais la police au loin. J'avais pas vu que je venais de cramer un feu, tu vois. Tu sais, c'est sur les champs, il y a un feu qui sert à rien. Tu sais, c'est pour les piétons, mais bon, à ce moment-là, il y a plus personne, quoi. Et donc du coup, il m'arrête. Oui, vous avez pas vu que vous avez grillé un feu? Oh bah non. Oh, il y a des feux là, monsieur l'agent. Je l'aurais pas grillé devant vous, monsieur l'agent. Il dit oui, mais justement, vous étiez trop focalisé sur nous. Ouais. Et il nous a tenu la jambe avec Polo pendant 30 minutes à peu près. Et les papiers, et il a regardé, mais... et il a appelé. Oui, alors cette plaque d'immatriculation, est-ce que le véhicule est recherché? Bah vous non, travaillez recherché. Vous travaillez où? Ouais, vous travaillez où? Je dis, je travaille là-bas, là. Oui, c'est ça, oui. Ah, vérification de tout le bordel. Oh là là, et alors je sais pas ce qui s'est passé hier, mais il y avait c'était la folie, hein. C'est-à-dire qu'il y avait 150 voitures, 150 flics, les motards, tout le monde était là. Ils cherchent peut-être quelqu'un. Bah peut-être, pour Apollo peut-être. Il est passé à travers les mailles du filet. Ils l'ont pas attrapé. Bah non. Ah, il manquait les motards, il manquait les hélicoptères et les chevaux. Ah oui. Voilà. Et on était au taquet, tout le monde était là. Enfin bref, voilà, donc j'embrasse nos amis de la police des Champs-Élysées hier soir vers 3h du mat. Bon, si vous êtes là ce soir, c'est que vous le savez, il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe, évidemment. 23h, 2h, du lundi au jeudi, puis le dimanche également de 20h à minuit. Est-ce que t'as prévenu tes potes que tu passais à la radio, Léna, toi? Oui. Ah, très bien. T'as prévenu tout le bahut? Non. Oh bah il fallait, Léna, là. Il fallait faire la promo, là. Léa, que Léna, tout le monde le sache. Mais oui, il faut que tout le monde le sache. Bon, est-ce que t'as passé une bonne journée, Léna? Bah oui, à vous. Bah oui, ça a été toujours avec ma pharyngite. J'ai toujours mal à la gorge quand j'avale. Mais enfin, sinon, ça va. Ça passe petit à petit. Ça va tranquillement, ouais, tranquillement. Bon, si vous avez d'ailleurs des bons plans hein, pour que ça passe un peu plus vite, j'ai bien de prendre un petit thé là. Mais bon, bof. Bof, moyen quoi. Moyen. Ouais. Bah ouais, moi je sais pas. Ouais, bah ouais, on m'a dit le miel, mais je déteste ça. Mais j'ai déjà essayé un peu, mais. Burk, j'aime pas trop Léna. Bon, enfin, t'as passé une bonne journée. T'as fait quoi toi aujourd'hui? Bah j'ai été en cours. C'est bien aussi. T'as eu quoi comme cours? SVT, anglais et maths. Oh, you speak English? Oui, yes. Yes, a little bit? Yes. Ouais, écoute, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une voie de garage en termes de dialogue en anglais. Mais bon. Beat, voie de garage, ça me donne plein d'idées, moi. T'as vu, hein? Bon, reste avec nous, Léa. Tiens, si vous voulez passer à l'antenne avec nous, là, vous prenez votre téléphone maintenant et vous faites le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0. Et puis on parle évidemment de ce que vous voulez. David également avec nous. Ça va, David? Ouais, toi? Tranquille. T'as passé une bonne journée, David? Ah ouais. Bon, très bien, bon, tant mieux. Grâce à hier aussi, hein. De quoi, David? Grâce à hier. Grâce à hier, pourquoi? Eh ouais, parce que hier je suis passé sur Fun aussi. Mais qu'est-ce que t'as dit hier? Avec nous? Non, oui, avec Fun. Mais c'était avec... Il m'en avait oublié de hier. D'accord. Tout ça était très clair. Je n'ai rien compris, c'est David, mais tu es content et c'est le principal, David. Attends, bouge pas de là, David. On aura aussi Phil dans quelques minutes. C'est bien, c'est déjà bien rempli là ce soir. Sandro qui est là également en pleine forme. Oui, ça. Attends, oui, ça va. Ouais, je suis débordé comme d'habitude. Bon, ce soir, on va tenter une transformation sur Toff. Oh là. Ouais, je ne vous en dis pas plus hein, pour le moment. En attendant, je est-ce vais que t'es prêt et tout. J'irai pas jusque là. Est-ce que t'es prêt en attendant à rencontrer des nouveaux amis? Mais toujours. Voilà. Ça que tu aimes, hein, te faire sodomiser, toi, hein. Eh oui, c'est ce qu'il aime. Polo également, général de l'armée des Doux, au rapport. Je suis là. Très bien. Allez-y, les Doux. Je rappelle que les Doux sont toutes les personnes, tout auditeur de la radio, de Fun Radio et de Mickaël No Limit, n'ayant pas encore mué. C'est ça. Voilà. C'est en dessous de moi de 14 ans et ça n'a pas de poils, c'est doux, ça parle avec une voix un peu fluette. Exactement. C'est et c'est doux, c'est le principal. Il y a Philippe également qui est avec nous. Salut, Phil. Ouais, salut, Mickaël. Ouais, salut, Phil. Comment ça va? Ça va et toi? Très très bien Phil, bon t'es là pour la colle toi? Ouais c'est ça ouais. Eh bah parfait, bah alors on va y aller, hein. C'est parti pour la colle, je rappelle que c'est une GoPro à gagner. Vas-y Phil pour la colle. Alors qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? Alors qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? Ouais, j'ai bien une idée mais ça doit pas être ça, mais je vais fermer ma gueule au cas où. C'est ton jamais. Polo a une idée. Polo? La chatte? Non. Une grosse chatte. Non, bah c'est pas ça, non. Bah tant pis. Bon, si vous avez la bonne réponse, je pensais à ça aussi, cela dit. Vous envoyez Mickaël suivi de la réponse, envoyez ça au 64 900 ou alors au 6322 depuis la Belgique et ça marche aussi sur le Facebook. Je vous mets la colle dans quelques secondes en direct sur le Facebook de l'émission. Vous allez pouvoir lire la colle et y répondre également facebook.com/mikaelofficiel. Phil, qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? Si vous avez la bonne réponse, bonne chance, on tire au sort avant minuit 30. Et Phil, on te récupérera quelques fois pendant l'émission pour que tu puisses rappeler la colle à tout le monde, d'accord? Ok, ça marche. Très bien, et bien voilà, reste avec nous Phil. David, t'as envie d'écouter un son en particulier ce soir ou pas? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Toka Toka de Fly Project. Toka Toka de Fly Project. Bien sûr, c'est ça. Ouais. C'est quoi Toka Toka? Attends, je vais vérifier quand même. Voir si on l'a. Alors attends, hein. Toka Toka. Toka Toka. Mais c'est vieux ou c'est nouveau? Désolé, hein, je connais pas. Oh bah putain, ben va sur YouTube et tu le trouveras. Merde. Bah, une seconde, il va se calmer ou je te mets une claque là, dis donc. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. Non mais alors. Bon alors attends, une seconde, on est sur YouTube là. Oh. C'est ça là ou c'est la pub? Voilà, non, c'est ça. Là. Ah oui, c'est. Bon, mais un peu plus loin là. Attends. On dirait tragédie. Attends, mais un peu plus loin. Ah, ils avaient pas. Mais ça change jamais. C'est vrai qu'on dirait tragédie. Ah non, mais même physiquement, on dirait les tragédies. Mais ils chantent pas dedans, David? Mais si, tu vas voir. Ne bah, j'attends, pas. J'attends. Bah, ils vont chanter. Voilà. Ah oui, en fait, ils savent pas chanter. Ils ont mis un. Comment on appelle ça? L'autotune. Oh, oui. L'autotune, oui, c'est ça. Professionnel d'une radio, moi. Ah ouais, non, mais. Bah, nous, on n'est pas professionnel de la chanson, hein. Oh. Bon, bah, si vous aimez, dites-moi, hein. Hashtag Mickaël, n'hésitez pas. Et toi, Léna, t'as envie d'écouter un son en particulier? Non. Non, d'accord, ok, parce que sinon, j'avais Clean Bandit à proposer. Ah, c'est autre chose, ça. Ouais. Clean Bandit avec Radley B. Il y aura aussi DJ Cassidy. Là on va chiller, ouais. Je vous le dis moi. Il y aura aussi le nouveau Pharrell Williams. Eh oui. D'ailleurs on le mettra pour fêter cette journée, cette Happy Day Fun Radio à partir de minuit. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Et puis aussi le nouveau David Guetta, bien entendu. David Guetta avec Showtech, ce sera Bad. Je vous cale ça évidemment tout à l'heure sur Fun Radio. Donc restez bien là. Bon Léna, on va parler de quoi avec toi, dis-moi? C'est pour savoir si j'étais normal de vouloir être médecin légiste à 13 ans. Ah, tu veux être médecin légiste? Ah, c'est drôle, oui. Ça. Non, c'est la première fois que j'entends ça. C'est marrant, tu sais, d'habitude, les filles, elles veulent devenir, coiffeuse. Princesse, faut pas déconner. Star de la télé-réalité. Médecin légiste. Mais pourquoi médecin légiste? Ta mère est médecin légiste ou dans la famille, non? Non. Ah bon? Et alors, pourquoi tu veux devenir médecin légiste? Qu'est-ce qui a fait que? Ah ben je sais pas trop en fait, je voulais pas travailler dans un truc de commerce ou avec plein de gens partout. Donc du coup, t'as... Oui, l'avantage avec médecin légiste, au moins, c'est que les patients sont pas relous. Non. Non, tu vois, c'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as le mec qui arrive, c'est que... Il est pépère, jamais il va râler. Personne, aucun patient va porter plainte contre toi parce que t'as oublié un scalpel à l'intérieur. Jamais. Ou parce que t'as oublié, je sais pas, n'importe quoi. Oups, je vous ai raté l'incision, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Et puis l'autre avantage également, c'est que il ne saigne jamais. C'est vrai. Voilà, tu vois. Mais les autopsies, c'est que 30% du métier de médecin légiste. Alors on fait quoi les 70%? Ben, je sais pas trop, mais regarder les blessures sur les vivants, tout ça, les trucs comme ça, et regarder d'où ça vient, enfin, ah ouais. Des choses comme ça, quoi. Bon, bah, appelez-nous si vous êtes médecin légiste, on sait jamais. Putain, c'est drôle, ça. Oui. Moi, je me suis toujours demandé, quand tu regardes des séries et tout, comment les mecs, ils peuvent avoir envie de faire ça. Ah ouais, c'est clair. Tu connais la série Body of Proof? Ouais. Ah bah moi je viens de finir la saison 3 là, c'est la dernière d'ailleurs, hein. The Body of Proof, j'imagine que tu es fan, hein, vu que c'est ça, médecin légiste, tout ça. Mmh, non, pas tellement, mais j'aime bien. D'accord, ok. Bon bah appelez-nous les autres, hein, 01 42 48 5000. Léna, reste avec nous depuis la Belgique, 02 851 4x0. Et puis bah dites-nous ce que vous feriez comme taf, tiens, si jamais vous avez pas encore trouvé de travail, si jamais vous en avez un, s'il vous plaît, bah dites-nous ce que vous faites. Et si jamais il vous plaît pas, qu'est-ce que vous aimeriez bien faire? Moi je kiffe mon travail évidemment, mais j'aurais bien fait pilote d'avion également. Voilà, ça vous le savez pas. Ah. Enfin, si vous le saviez pas comme ça, vous le savez. Polo, t'aurais fait quoi, toi? Rien. Moi, j'aurais voulu glander. Glander, c'est ou pas mal. Croque-mort. Et Toff? Non, je peux pas. Croque-mort. Bah, moi, je voulais enregistrer des artistes, mais en fait. C'est pas vrai. Il y a une semaine, tu m'as dit que tu voulais être couille. Oui. Ton grand rêve dans la vie, c'est être couille. Oui, mais enfin, pour être couille, ce n'est qu'une partie de l'anatomie. Ah, couille, oui. Oui. Non, mais sinon, ouais, je voulais faire de la musique, mais bon, ça a jamais marché. Bon, le problème, c'est que Toff, il arrive pas à répéter un son. C'est-à-dire, si je fais. Oh, oh. Ah non, mais je voulais faire. Oui, mais je voulais pas être chanteur. Non, mais d'accord, mais enfin, il faut quand même avoir un petit peu d'oreille. Enfin, il faut arriver à reproduire un son quand même pour faire de la musique. Pas spécialement, regarde, il y a plein de DJ, ils savent pas reproduire de son. Non, après, il y en a qui sont sourds, effectivement, j'admets. Bon, restez sur Fun Radio, il est 23h12, je vous ai mis la colle sur le Facebook, là, si vous voulez la lire et y répondre, eh bien, allez-y maintenant, facebook.com/MIKL officiel. Alors, on revient dans 30 secondes sur Fun Radio, Clean Bandit et Rather Be, c'est ce qui va arriver sur Fun Radio, restez là. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. MIKL, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. 23h, 2h. MIKL. No limit. Sur Fun Radio. Toujours en direct sur Fun, il est 23h14. Il y a Etienne qui dit: moi, je voudrais faire designer pour faire des tuyaux de radio de ouf. Ah putain, ce serait bon ça. Enzo qui également, tu déchires MIKL. Ça va? Eh ben, ça va très bien, Enzo. Merci à toi. Paul PC28 qui dit: moi, c'est Glandeur Pro. Et Didoudoudi qui dit: moi, je serais bienvenu coiffeur. Bon, ben voilà, on en parle puisque il y a Léna qui veut être médecin légiste alors qu'elle a 13 ans. Et donc, elle veut savoir. Elle veut avoir plus d'infos. Elle veut surtout savoir si c'est normal de vouloir devenir médecin légiste à son âge. Bon, qu'est-ce que vous voudriez faire comme taf? Qu'est-ce que vous voulez faire comme taf si vous n'êtes pas encore dans le monde du travail? Eh ben, dites-le nous, je vous mets le post sur le Facebook et sur le Twitter également dans quelques minutes, facebook.com/MIKL officiel. Il est 23h15 sur Fun Radio, c'est MIKL No Limit, la bienvenue si vous venez de débarquer. MIKL No Limit jusqu'à 2h du mat, le dimanche de 20h à minuit. Prévenez vos potes, car oui, le soir il se passe enfin quelque chose à la radio. C'est sur Fun Radio que ça se passe, et on écoute Clean Bandit, c'est Rather Be. We're a thousand miles from comfort. But if I can give you, there's no place I'd rather be. 23h, 2h. MIKL. MIKL, No Limit. Sur Fun Radio. Yes, il est 23h18 sur Fun Radio. Tiens, est-ce que vous avez déjà eu des accidents cons? Ah, moi je suis spécialiste. Genre? Alors une fois, alors vous voulez que je fasse toute la liste? Non, ben genre le plus violent. Je fais un sandwich, je me coupe ici 13 points de suture. C'est où ici? Ici à la main là. Ah, sur le pouce. Bas du pouce, ouais. Là récemment, là il y a eu le paintball, je me suis ouvert la tête là. Ouais. J'ai eu 13 agrafes sur le crâne. J'ai eu ici le front où je me suis tapé la tête dans une barre de fer en faisant une acrobatie. Ah non, mais moi je suis le spécialiste mondial de ça. Et la mère Toff vient de m'envoyer un message, apparemment l'accident con c'est Toff. Oui. elle ne m'assume plus maintenant, je sais. Oh. Le pauvre. D'ailleurs, il faut que je l'appelle pour voir si je peux rentrer ce week-end. Oh, mais bien sûr. Bon, des accidents cons, Toff? Pas plein, mais il y a un jour, je fais la vaisselle et donc je suis en train de laver un verre et j'ai pas vu, le verre c'est ouvert en deux, c'est-à-dire qu'il s'est coupé. Ah, l'angoisse. Et merde. Donc du coup, bah moi, je tournais pour le nettoyer au fond et en fait, bah la tranche du verre à l'endroit où c'était coupé a commencé à cisailler le doigt. Comme une fois, il a voulu ouvrir une boîte en conserve. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, ça m'a complètement ouvert le doigt. Et donc, j'ai eu 4 points de suture sur le doigt. Et samedi, en horsière, là, quand vous faisait du ski, il y a eu un accident con à cause de nous. Ah oui, on l'a appelé, oui. Ouais, mais t'es en train de glisser, on l'appelle, il s'arrête, il se casse la gueule. Forcément, voilà. On était sur le côté. Sandro, accident con, il y en a eu ou pas? Bah, ma rencontre avec Toff. Oui, bah, forcément, ouais, évidemment. Non, ouais, ouais. Non, il y a un truc con qui m'est arrivé. C'est vraiment débile. C'est, je faisais griller. J'adore faire du pain grillé. Ouais. Donc, je prends une fourchette, je plante dans mon pain. Ouais. Et tu sais, je le mets au feu. Ouais. Et après, j'ai léché la fourchette en fait. Ah, chaud. Et je me suis brûlé la langue. Ah, ouais, ouais. Moi, j'ai eu le coup avec une poêle. J'étais en train de faire à bouffer, ce qui arrive relativement rarement. Oula. Non, mais. Bah, la poêle avait pas l'habitude, hein. Non, elle avait pas l'habitude. Non, mais j'étais petit, je devais avoir 15 balais, je crois, un truc comme ça. Bon, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'absolu. Et donc, je passe à côté de la poêle, tu sais, donc t'as la cuisinière, puis après, t'as le manche de la poêle qui sort un peu. Donc, je passe sur le côté, la poêle bouge et tombe, et évidemment, au lieu de se dire... Tant pis, ouais. Eh ben non, j'essaie de la rattraper avec les mains, deux mains à plat, et crrr, oh putain, sa mère. Ah, j'en ai chié, hein. Putain, j'en ai chié. Ah bah oui. Ah, les deux mains quoi, plat, tout cramé quoi, une horreur. Non, en fait je vous le posais la question parce que je viens de voir passer sur Facebook l'histoire d'un Anglais qui courait pour choper son bus. Oui. Voilà, tout va bien. Sauf qu'en fait il a pas fait attention et il a pris l'arrêt de bus en pleine gueule. Putain. Il est décédé. Non. Si. Ah non, c'est pas drôle. Enfin c'est pas drôle, ah, mais non, je veux dire. Enfin si, la situation est drôle. Non, bon là. Le fait qu'il soit mort c'est pas drôle, mais la situation en elle-même est drôle. Donc je voulais savoir si vous aviez déjà eu des accidents cons. Et ben venez nous les raconter, hein. C'est facebook.com/mikaelofficiel. Et puis vous appelez le standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Plus jamais je cours après le bus, hein. Ouais, bah tu m'étonnes. T'en as déjà eu des accidents bêtes toi ou pas, Léna? Oui. Comme quoi? Je me suis fait une entorse au pied quand je courais avec une assiette brûlante de raclette dans les mains. Qu'est-ce que tu foutais avec une assiette brûlante dans les mains? Oui, j'avais ça. Non mais pourquoi tu avais ça en main? Parce que je l'ai ramené dans le salon. D'accord, ok, non mais c'est... Ah oui, d'accord, ok, de la cuisine au salon. Oui. D'accord, ok, bon bah très bien, moi comme ça c'est clair. Alors attends, il y a Yanis qui est avec nous, puisque Léna avait appelé parce qu'elle veut être médecin légiste. Et Yanis est avec nous, 39 ans de Paris, salut Yanis. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va et toi? Eh ben écoute, plutôt pas mal. Tiens, t'appelais pas pour ça, mais ça t'est déjà arrivé des accidents cons, Yanis? Je suis médecin légiste, moi, des accidents cons, non? Non, bah et alors, c'est pas parce que t'es médecin légiste que tu peux pas faire des accidents bêtes? Bah je touche du bois, non, pour l'instant. Bon, non, bah tant mieux. Mais par contre, il en a vu passer, hein. Ah oui, là, oui, il en a vu ah, passer. Ah oui, j'en ai vu. Ah bah à mon avis, tu vas recevoir l'anglais, hein, qui s'est pris l'arrêt de bus, là, hein, qui malheureusement est décédé pour lui. Enfin, bon. Sur Paris? Non, il était en Angleterre, je crois, donc tu l'auras pas, mais c'était plus une vanne. Non, je l'aurais pas. Bon, Yanis, alors, médecin légiste, alors. Première fois que j'ai un médecin légiste. Alors, est-ce que c'est comme dans Body of Proof, tout ça, tu sais, tu découpes tout et tout? Non, pas du tout. Ah bon? Non. Ah, c'est on comment, est loin alors? De Dexter. C'est comment, alors? Bah, c'est comment, c'est beaucoup plus hard que vous ne le pensez. Ah ben non, mais ça j'imagine bien, en même temps découper des corps toute la journée, ça va pas être super drôle non plus, hein, c'est clair. Et quoi tu bosses dans un hôpital, et quoi tu reçois les accidentés, les tués De tout, on reçoit un peu de tout. D'accord. Moi je suis à l'IML là dans le 4e, quai de la Râpée. D'accord, et donc toi tu fais quoi? C'est juste pour voir comment ils sont morts en fait, les autopsies et tout ça? Les autopsies, les analyses, on essaie de déterminer, on fait des rapports et... D'accord, et ok. Conclusions. Bon bah Léna, je te présente Yanis, il est médecin légiste là, c'est l'occasion. Pose-lui des questions si t'en as en tout cas. Allez, pose-moi tes questions Léna. Est-ce que ça gagne bien? Tiens, question là. Ça fait combien d'études? Combien d'études? Oui. 5 ans à peu près après le bac. Après une spécialité bien sûr. Ah mais donc tu fais pas tout le cursus médecine? Si tu fais le cursus médecine, mais après tu te spécialises. Et en fait tu fais tout sauf le moment où t'as la ligne comment sauver les gens, tu vois, pour que tu viens savoir s'en branle. Hein. Ouais, ça exactement. Sert plus à rien. Donc passer trop tard. Suivante, ouais c'est ça. Ouais. Bon et t'as voulu faire ça à quel âge toi Yanis? Je devais avoir 17 ans par là. Ah ouais, tu vois finalement toi Léna t'en as 13, bon t'es peut-être un peu en avance, mais why not, hein, t'as d'autres questions que les études tant qu'à faire Léna. Tu fais que des autopsies? On fait des autopsies, beaucoup d'autopsies, bah oui, médecin légiste. Parce qu'elle dit apparemment que c'est que 30% les autopsies du temps de travail. Le reste c'est tapé de rapport. Non, c'est beaucoup de rapports, beaucoup d'analyses aussi derrière, beaucoup de travail, beaucoup d'analyses. Ah bah voilà, ouais, c'est ça. Donc t'en fais quand même un petit peu. Après, il faut gratter aussi un peu, Léna, évidemment. Ça, c'est le côté négatif. Hein. Tu fais pas que charcuter des corps. Enfin, charcuter, tu fais pas que découper toute la journée, quoi. Donc, Si c'est pour charcuter des corps, fais boucherie. Hein. Oui, évidemment. Donc voilà, Léna, écoute, je sais pas si t'as d'autres questions. Si tu veux, je peux te passer Yannis en antenne. S'il y a des questions plus précises à lui poser, je sais pas s'il a le temps déjà aussi. Et puis voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Yannis, d'être passé. Et puis, bah, bon courage à toi. Du coup, tu mets fun. T'as une petite dédicace ? T'es en train de bosser là ? Là, je suis au boulot, mais je fais une petite pause. Ah d'accord, ok. Et t'écoutes pas la radio pendant que t'es en train de faire les découpes là ? Non. On sait jamais parce que tu sais qu'on avait eu un jour des médecins qui nous écoutaient pendant qu'ils étaient en train d'opérer. Bon, alors évidemment pas des opérations graves, mais tu vois, pendant qu'ils étaient en train d'opérer, ils laissaient la radio. Je trouvais ça marrant. Ouais. On essaye de respecter un petit peu le défunt. Dans Nip Tuck, tu les vois, à chaque fois ils mettent de la musique avant de commencer une opération. Dans Nip Tuck. Non, on n'en est pas là. D'accord, ok. Bon, bah très bien. Alors vas-y pour la dédicace. Vas-y. Est-ce que tu peux nous ramener un doigt ou deux ? Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, on t'écoute. Tu peux te ramener autre chose si tu veux. Ça fera plaisir à Toff. Avec plaisir. Vas-y, Yannis. Alors une petite dédicace. Donc une petite dédicace à mon cousin Karim. Voilà. Et un ami à moi, Christophe. Voilà. Bac 18. Très bien, eh ben écoute, message passé Yannis, pas de problème. Voilà. Et tu reviens quand tu veux. Salut à toi David. Salut Yannis. Amusez-vous bien. Merci, t'inquiète, on va bien s'amuser normalement, y a pas de problème. Bon ben voilà, il est là. Eh ben écoute, je te fais des gros bisous hein. Oui, je peux faire un dédicace. Eh ben vas-y aussi, une seule personne, choisis la bonne. Dédicace à Katarina et Annalena. Eh ben qu'est-ce que tu n'as pas compris dans une personne, Léna ? Hein ? Hein ? Je suis une rebelle, hein. Non, genre. Elle veut te mettre sur la rebelle en carton, la médecin légiste rebelle. Oh, je suis une rebelle. Bon, allez, salut Léna, gros bisous, ciao. Merci. À bientôt. Et appelez-nous les autres, hein. Qu'est-ce que vous voudriez ou qu'est-ce que vous voulez faire comme taf. Là, il y a Willy du 14. Moi, je me suis coupé avec un cutter 7 points de couture. Couture. Ouais, c'est de suture. De suture, parce que couture, c'est pas pareil. Yann également, sur le Facebook, moi je me suis brûlé toute la paume de main droite avec l'allume-cigare de ma voiture quand j'étais petit, car ça m'éclatait de voir la lumière que faisait l'allume-cigare. Oui, c'est joli, mais ça brûle. Hein. Ouais, mais moi, c'était quand j'étais petit, c'était avec un pétard. En fait, on allume le pétard, on le jette, il explose pas. Ouais. Et on attend, bon, il explose pas. Donc je le prends en main, et en fait, je le prends en main, et il explose. Ah, bien vu. Solène également, salut toute l'équipe, vous me faites trop rire tous les soirs. Attends, c'est quoi ? Jamais je manque le rendez-vous, Mickaël, je peux avoir un petit message de bienvenue, un petit mignon, bonne émission. Bah bien sûr, un petit mignon avec plaisir. Ça que tu as, man, te faire sodomiser, toi, hein. Voilà, il est tout mignon, Solène. Et Lola, vous me tuez, bah gros bisous à toi Lola et Manon également sur le Twitter. Tout à l'heure je me suis coupé le doigt en ouvrant une boîte de thon, j'ai mis du sang partout dans mon appart, génial. Bah au moins t'as eu la sauce gratos, pas besoin de mettre du ketchup et tout, c'est pratique. Et Maxence, une fois mon chien m'a mordu, il m'a ouvert, j'ai eu 5 points de suture. Et Dédé également, une fois j'ai la cheville qui a glissé sur un ballon. Entorse du ligament intérieur, la galère. Bon, qu'est-ce que vous vous êtes déjà fait comme accident con ? Je vais vous mettre le post sur le Facebook également dans quelques minutes. Donc restez bien là. Je rappelle qu'il y a toujours la vidéo, en parlant de con, la vidéo du cassage de noix avec le front off sur le Facebook de l'émission. Donc allez voir. Oui, j'étais très, très beau. Magnifique. Facebook.com/MIKL officiel, je vous l'ai mis hier. Et ça y est, j'ai la preuve que les mecs sont abrutis par les fortes poitrines. Ah, c'est fait. Eh oui, ce sont des chercheurs qui ont fait le test. Si on montre un paysage de campagne, par exemple, les mecs réfléchissent. Par contre, si on leur montre des gros seins, eh bien, ils ne réfléchissent plus du tout. Non, c'est fou quand même. Hein. Donc on peut dire que les grosses poitrines rendent les hommes complètement idiots. Ah oui, donc en fait c'est comme ça qu'il y a certaines meufs qui arrivent à avoir des augmentations. Voilà. Elles arrivent, les gros seins. Et le mec ne réfléchit pas. Voilà. Donc Toff, tu vas demander à tes amis si ils sont aussi abrutis par les grosses poitrines. Bah oui, enfin je vais demander déjà s'ils ont une grosse poitrine à la maison pour commencer. Ouais, déjà par exemple, effectivement, ça me paraît un bon plan. Donc on fait ça maintenant, si vous avez des numéros de téléphone à proposer à Toff, là, des gens très gentils comme celui-là. Voilà. Et ben n'hésitez pas sur le mail de Toff, envoyez les numéros, on va les appeler dans quelques minutes. toph@funradio.fr. On va également se faire le je t'emmerde dans quelques minutes. C'est ce grand jeu que nous faisons tous les mercredis soirs. Il y a un téléphone portable à gagner avec Android à l'intérieur, c'est un Arcos 45 Platinum. Ça vaut quand même quasiment 200€. Et donc si vous voulez le gagner, eh bien vous appelez maintenant 01 42 48 5000. Le but du jeu, simplement, bah, appeler des gens au hasard et placer un maximum de je t'emmerde. Vous êtes deux auditeurs, vous vous affrontez. Celui des deux qui arrive à faire le plus de je t'emmerde aura gagné. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous souhaite évidemment donc bonne chance tout le monde. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'un autre. Mickaël No Limit tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, et continuez à nous appeler évidemment, vous êtes les bienvenus là. 01 42 48 5000 pour la Belgique, 02 851 4x0, les appels de Toff dans quelques minutes. Et puis je vous l'avais promis tout à l'heure, le son de Chucky qu'on écoute tout de suite sur Fun, c'est Skydive. C'est Fun Radio avec Chucky à l'instant, c'était Skydive. Il y aura aussi, oh là là, un son qui déchire, DJ Cassidy avec Calling All Hearts. C'est très disco 80s, j'adore. C'est bien ça. Ouais, ça change un peu, c'est sympa. Ça fait funk. Ouais. Vous cadrez aussi Pharrell Williams. On va chiller pendant que Toff va chier. Évidemment, Marilyn Monroe, c'est le son qui va débarquer donc. Et puis je vous l'avais promis aussi car vous l'avez découvert sur Fun Radio il y a quelques jours, le nouveau Guetta, David Guetta et Showtech avec Bad. Voilà, c'est ce qui va débarquer dans un instant sur Fun Radio. Et si vous avez envie de choisir des sons, bah en particulier, hein, n'hésitez pas, hashtag et Mickaël. Donc c'est sur le Twitter que ça se passe. On fera un point top tweetos également. Le principe du top tweetos, c'est très simple. Eh bien on offre un cadeau à l'auditeur qui a été le plus influent sur le Twitter de l'émission. C'est tout à l'heure à 2h du matin à la fin de l'émission, hein, donc on verra pendant ces 3h lequel a été le plus influent, c'est-à-dire lequel a le plus tweeté avec le hashtag et Mickaël. Pas plus compliqué que ça. Si vous voulez tenter de gagner votre sextoy vous aussi offert par passagedudésir.fr. Eh bien il suffit simplement de jouer, de balancer un maximum de messages avec ce hashtag et Mickaël justement. D'ailleurs pour rappeler que Hugo Réau qui a terminé premier hier, on a dit qu'il avait déjà gagné mais en fait il a jamais gagné. Ah donc bon voilà, on va te recontacter Hugo Réau, t'inquiète, on a merdé mais c'est pas grave. Bastien qui dit une fois je me suis électrocuté avec l'allumeur électrique des plaques de cuisson et évidemment après le gaz est arrivé je me suis brûlé tout le doigt. Oh putain la violence. Sympa. Ah et salut l'équipe, c'est Charlène, j'ai 17 ans et je veux faire juge d'instruction ou juge d'application des peines. J'hésite encore un peu mais ce sera un des deux. J'en profite pour vous faire un gros bisou. Eh bah Charlène, surtout continue à écouter l'émission car Toff risque d'avoir besoin d'un coup de main de ces quatre. Ah bah oui. Avec un juge d'application des peines, ça serait bien. Et Cédric du Sac Neuf qui dit je vous kiffe, je peux avoir un petit coup de pelle, j'ai loupé 30 minutes. Eh bah bravo. Ah là tiens, tout ce que tu mets. Bah je t'en mets un deuxième. Voilà, c'est pour moi. Et Abder également, on joue avec mon cousin, j'ai trébuché, je me suis pris un clou dans la main. On a dû m'opérer la nuit même, mais j'ai eu 5 points de suture quand même. Ah oui putain, c'est quand même violent aussi là. Bon bah continuez, appelez-nous, dites-nous qu'est-ce que vous avez déjà eu comme accident con par rapport à cet Anglais qui est décédé, hein, paix à son âme, en courant après son bus. Il ne l'avait pas vu, l'aubette de bus sur le trottoir, la cabine de bus. Il s'est pris la cabine de bus et il n'a pas survécu. C'est quand même assez violent. On en rigole, mais quand même, la situation est drôle. Mais évidemment, bon, après, ouais, c'est chaud quand même. C'est pas drôle. Mais voilà, donc appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Le je t'emmerde arrive dans quelques minutes avec Ophélie, avec Alexis. Et on va d'abord appeler les gens hein, maintenant pour mais voir si, si leur femme a une grosse poitrine. Puisqu'on s'est rendu compte que plus une femme avait une grosse poitrine, plus le mec était con. Voilà, c'est ça, ça abrutit les hommes. Ça abrutit les hommes. Donc on y va, c'est parti, on appelle le premier grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez, 23h35. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez des gros seins. Et ta mère, elle en a des gros seins? Bah, pas tellement, mais je vois ben pas. Ben voilà, alors on va te faire enculer, d'accord? Ben, pas du tout madame, pourquoi voilà. Vous dites ça? Oh, quelle violence gratuite. Ça faisait longtemps qu'on n'a plus parlé de ta mère. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais enfin, on va la rappeler. C'était elle, hein, quand même. Oui, oui. Ouais, c'était elle. Allez. Alors. Oui, allô. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, alors. Bah, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Ah bon, qu'est-ce que c'est la communication avec ma femme? Ben, en fait, je voulais savoir si elle avait des gros seins, monsieur. Des gros seins? Va te faire enculer, connard. Va te faire enculer. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Je vois pas le rapport. Parce que tu es un connard. Mais pas tu du tout. Tu vas te faire enculer. Mais pas du tout, monsieur, enfin. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, si elle a des gros seins? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu veux qu'elle te les foute au cul? Ben, non. Connard, allez, va, dégage. Mais ben, attendez, monsieur, je vous ai pas dit pourquoi je vous appelais. Allô. Là, va te faire enculer, connard. Oui, voilà. Je crois que bon. C'était clair. Mais moi, je crois qu'on va le rappeler encore un coup. Hein. Allez, hop, il avait l'air tellement en forme. C'est dommage de rester là. Oui, allô. Oui, je m'excuse, monsieur, mais vous n'avez pas écouté pourquoi je vous appelais. Mais va te faire enculer. Tu n'as pas appelé. Bah, si, la preuve, voilà. Je suis là, monsieur. Où? Non, mais je suis là au téléphone. Oui, alors. Mais en fait, non, je vous appelais parce que, a priori, votre femme a des gros seins puisque vous êtes un abruti. Connard. Bah non, c'est pas moi qui le dis, c'est des scientifiques, hein, monsieur. Il paraît que les gros seins abrutissent les hommes. Allô, monsieur ? Oh merde, il est parti. Oh dommage. Ah, il avait l'air ouvert d'esprit. Ah bah oui, il avait l'air sympa. Ouais, c'est dommage. Tiens, il y a Margot depuis l'application Mickaël No Limit qui dit: moi je suis ouvert le front en tombant sur le sol, je me croyais à la piscine, bien vu. Et Romain qui dit: y aura-t-il un caropet? Ah évidemment, comme tous les mercredis, caropet c'est tout à l'heure. Emeric également: mon pire accident con, un jour j'ai essayé d'écouter une autre radio, résultat oreille qui saigne et cerveau désactivé. Bien vu Emeric. Pas mal celle-là. Bon, on va jouer maintenant, on va faire le je t'emmerde avec Ophélie, avec Alexis. Salut tous les deux. Salut Mickaël. Comment salut. Vous allez? Bien. Bon. Et toi? Bah ça va plutôt bien. Toi Ophélie. T'es une doux toi? Ouais, l'appel de Bar-le-Duc. 15 ans Ophélie, c'est ça? Oui. Très t'es bien. T'es un doux. Ouais ouais, une en l'occurrence. Ouais. Et puis Alexis également de Moselle. D'où ça exactement Alexis? De Sarrebourg. De Sarrebourg. D'accord, ok, très bien. Eh ben on va jouer, enfin vous allez jouer ensemble maintenant. Le principe est très simple. On va donc appeler des gens au hasard. Vous allez devoir placer un maximum de je t'emmerde ou je t'emmerde. Hors de question de placer des je vous emmerde, vous m'emmerdez, etc. etc. Ok. Celui qui arrivera à en placer le plus avant de se faire raccrocher au nez gagnera la première manche. On remettra en jeu après la pub la deuxième manche et c'est celui qui aura fait le meilleur des deux scores qui repartira avec le téléphone, le smartphone Arcos 45 Platinum avec Android à l'intérieur. Qu'est-ce que t'as comme téléphone actuellement Ophélie? Moi c'est un Alcatel OneTouch. Oh bah il est temps de changer. Et Alexis? Ça existe encore ça? De quoi Alexis? J'ai un iPhone 5S. Ah oui bah alors tu te joues pour un plus petit modèle Alexis là. Comme t'es un gentleman tu vas laisser Ophélie gagner. Ouais, je sais pas. Tu sais, c'est pour la deuxième ligne, parce que je suis un homme occupé, je suis un businessman, c'est pour ma deuxième ligne que je le gagnerai. Bon, Alexis, Ophélie, on va jouer maintenant, c'est parti. Qui veut commencer? Pas moi. Pas toi, eh ben, on va commencer par toi, Ophélie, tiens, voilà. Allez, maman. C'est parti, si. On y va, on appelle au hasard, dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Le principe donc, placer un maximum de je t'emmerde dans une discussion cohérente, d'accord? D'accord. Donc pas des je t'emmerde, ça ne sert à rien, il faut que la discussion soit logique. On y va, on appelle le premier. D'accord. Je te souhaite bonne chance Ophélie. Oui, d'accord, merci. Allez. Et dès qu'il n'y a plus de musique, tu dis allô. D'accord. Allez, concentration. Allô. Vous appelez bien le 0 ou le 4. Ah merde, c'est le répondeur. Alors attends, c'est pas grave, on va en appeler un autre, c'est pas grave. Ça arrive, on y va. On appelle un autre. Allez. Quoi, il dort plus? Il roupit tous ou quoi ce soir? Allô? Oui, allô, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger à cette heure-là, mais en fait, je voudrais bien savoir, parce que dans la soirée, en fait, j'ai reçu un appel de la police, comme quoi vous auriez porté plainte contre moi, comme quoi je vous aurais dit « je t'emmerde », je vous aurais dit « je t'emmerde », enfin, vous auriez insulté. C'est pas moi. Bah, vous êtes sûre? Oui, certaine. Bah pourtant on m'a donné votre numéro quoi, que c'était vous qui m'avez dit je t'emmerde et non, je vois pas pourquoi pas je vous aurais dit je t'emmerde. Non c'est pas moi. Je suis désolée mais c'est une erreur. Bah vous êtes sûre? Oui certaine. Bon, Parce que moi j'aime pas trop qu'on me dise je t'emmerde. Enfin que je comprends rien mais c'est pas moi. Donc voilà. D'accord, parce que moi qui dis jamais de gros mots, surtout je t'emmerde, c'est pas moi qui dirais je t'emmerde à quelqu'un. D'accord, mais c'est pas moi. Donc voilà. Pourquoi je vais vous laisser, hein, parce qu'il est tard. Attendez quoi, juste deux secondes, on m'aurait donné votre numéro comme quoi je t'emmerde. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas moi qui ai porté plainte, voilà. Je suis désolée. J'ai pas sûr que je vous ai pas dit des choses. Oh la relou. Je suis sûre. Oh la relou. Voilà. Je parle de Ophélie. Au revoir. D'accord. Au revoir. Oh la relou Ophélie là. C'est pas mal. Mais bien joué. Ça nous a fait combien? 11. 11, pas mal. Alexis, à ton tour. T'es prêt? Ouais. Allez, on y va, faut faire mieux que 11, hein. En tout cas, dans la manche, là. C'est parti, on y va. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Allô. Bah, une seconde, la musique est encore là. Allez. Edouez, bonjour. Merde, répondeur. Attends, on va l'appeler un autre là dans quelques minutes. Ah, bouge pas, Alexis. Bon, attention, 11, c'est le score à battre. Hein. C'est parti, on y va, on appelle un autre. Allez, c'est parti, on y va, on en appelle un autre. Alexis. Allez. Allez. Bon, bah, à nouveau, pas avoir de chance. Hop là, c'est pas grave, j'en appelle encore un autre. Décidément, soit on n'a pas de chance. Hein. Hier, tout est passé crème, hier, et là, non. Allô? Allô? Allô? Allô? Mais qu'est-ce qu'il faut? Je crois que vous faites un faux numéro. Non, non, en fait, j'ai reçu plusieurs mails de votre part où il y avait écrit « Je t'emmerde, enculé. » Ah, ça m'étonnerait que je vous ai renvoyé un mail parce que je n'ai pas de portable. Monsieur, vous m'avez dit « Je t'emmerde. » Mais les mails, c'est par ordinateur, monsieur. Vous avez écrit « Je t'emmerde. » Il est parti. T'emballe pas. Ce qui nous en fait combien, alors? 6. 6, très bien. Ophélie, tu gagnes la première manche. On verra dans quelques minutes, on va refaire la seconde, d'accord? D'accord, bon, on peut attendre un petit peu parce que faut que je trouve un autre truc. Ah ouais, mais ça je te confirme, bah oui, mais t'as le temps de la pub, Ophélie là, donc réfléchis un petit peu, Ophélie, Alexis là, bougez pas de là. On va revenir dans quelques minutes sur Fun Radio. DJ Cassidy, c'est ce qui va arriver. Et on va être bien là, on va chiller pendant que Top va. Ouais. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Pour bien comprendre, Mickaël No Limit, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon ça va barder. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, on est sur Fun Radio, 23h48. Et bonne nouvelle, c'est la nuit sans pub maintenant, il n'y a plus jusqu'à demain matin. Donc ça c'est l'extrême bonne nouvelle. Et il y a des messages encore qui arrivent, évidemment, par rapport aux accidents cons dont on parle depuis tout à l'heure. D'ailleurs, je vous ai mis le post sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Vous pouvez bien entendu aller répondre et donner vos avis. Vous pouvez aussi les donner en appelant le standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Dans les deux cas, c'est pas surtaxé, hein, les numéros de téléphone. Numéros normaux, donc si ça sort de votre forfait normal. Et en plus, on vous rappelle directement derrière. Donc autant vous dire que ça vous coûte que dalle. Il y a Étienne qui dit: j'étais au skatepark, il y avait une barre de grind et il y avait un clou qui dépassait. J'ai glissé, je me suis ouvert tout l'avant-bras. Bref, 15 points de suture. Oh putain, sympa. 15, c'est violent, hein. Justin aussi, ou Justin, je sais pas comment on dit, qui dit: moi je me suis déjà ouvert le front en essayant de faire un dérapage avec ma trottinette et en fait il y avait plein de bouts de verre par terre, alors je me suis pris tout sur le front car mon front a râpé sur le trottoir et ça a fait mal, tu m'étonnes. Manuel aussi: en essayant de choper une balle de golf, je suis tombé de mon fauteuil, le poignet sur une flûte en cristal entaillée de 4 mm dans le tendon et section de l'artère, deux agrafes et 7 points de suture. Bah ben non mec, putain, ah oui, c'est violent ça quand même là. Et Snorky 55: à l'âge de 2 ans je perdais l'équilibre, je l'ai perdu sur le bord de la table basse en verre, résultat 10 points sur le front. Ah ouais. Et moi j'avais un autre accident con aussi, c'est que je sais pas si vous souvenez, enfin je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais bon, avant chez ma tante, tu sais, il y avait une maison, il y avait un escalier qui permettait d'aller aux chambres. Et donc comme un con, pour essayer de gagner du temps, enfin gagner du temps en fait, en gagner même pas, mais bon, c'est-à-dire que comment on appelle ça, tu sais, t'as la barre d'escalier, la main courante, enfin tu vois. Ouais. Et donc en fait je mettais la barre sous l'aisselle, je serrais et je glissais en fait. Oh, cette technique, j'aime jamais. Voilà. Sauf qu'en fait j'ai pas réussi à m'arrêter, j'ai volé dans la porte en verre devant. Donc résultat, je me suis ouvert l'arcade sourcilière, il a fallu, enfin j'étais petit donc je me souviens plus, il a fallu recoudre, mais en tout cas ouais, ça pissait le sang partout. Enfin bref, comme un con quoi. Mais ça je faisais le même chez mes parents, sauf que moi je me mettais carrément à cheval dessus et donc c'est une boule à la fin. Ah, tu t'es pris la boule dans les couilles. Et il y a une fois où en fait ça glisse un peu trop loin. Ah oui. Et ça fait mal. Sans déconner. Bon, appelez-nous les autres, hein, si vous avez des petites aventures aussi à nous expliquer là. 01 42 48 5000 02 851 4x0. Jonathan qui dit: un accident tout con qui m'est arrivé en faisant le malin. J'ai porté un moteur d'une voiture sans permis et au final je me suis déboîté l'épaule. Ça c'est quand on veut faire le malin, ça. C'est genre je suis muscleur, je peux tout porter. Et hop là, qu'est-ce qui se passe? Le drame. Pierre également qui dit: moi pour les accidents cons, ma cousine m'a piqué mes lunettes et m'a fait courir. Il y avait une pancarte en fer. Et comme j'étais pas grand, je me suis ouvert la tête. 8 points de suture. Et Jack aussi, comme connerie que j'ai faite quand j'avais 5 ou 6 ans. J'ai trouvé que j'avais les yeux sales, comme ils sont marrons. J'ai mis du savon liquide dans les yeux, j'ai frotté. Oh mec, putain, Jack, t'en déconnes quoi. Il y a un moment, le fait d'être jeune n'excuse pas tout, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Il y a un moment, c'est quand même très violent et très con, si je puis me permettre de mettre ça là-dessus. Alors, quand même, quoi. Non, c'est ouais, bizarre. Enfin, ouais. Ouais, bah, en même temps, c'est comme les gamins qui mettent la main sur les plaques chauffantes, sur les fours. Ouais. D'accord, mais bon, quand même. Bon, avant de faire la suite avec le je t'emmerde, on va prendre fil encore un coup pour parler de la colle et donc parler de cette GoPro qu'on offre depuis tout à l'heure. Phil, t'es toujours là? Ouais. Très bien. Alors, vas-y, Phil, refais péter la colle pour ceux qui viennent de débarquer, histoire de choper la GoPro. Alors, qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? Qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? Si vous avez la bonne réponse, envoyez M-I-K-L et la réponse par SMS au 64 900 ou alors depuis la Belgique au 63 22. Il y a Nicolas sur le Facebook qui proposait un œil. Non. Non. Christelle qui proposait un kiwi. Non. Un oursin. Non. On proposait également un trou du cul. Non plus. Ah, un cul, donc forcément, si c'est pas l'un, c'est pas l'autre non plus. Hein. Bon, tant pis, si vous avez la bonne réponse, allez-y, on proposait le nez pour Yann. Non plus. Thibaut qui proposait une chatte. Non, Polo avait déjà proposé ça tout à l'heure. Ce n'est pas la bonne réponse. Non. Bon, bah allez-y, il vous reste une bonne demi-heure pour vous inscrire et tentez donc de repartir avec cette magnifique GoPro qui est là, elle vous attend. Hein. Ah bah, il suffit de faire facebook.com/mikaelofficiel pour tenter de repartir avec cette GoPro en répondant à la colle. Qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? Si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, vous passerez à l'antenne dans moins de 30 minutes. Enfin, on va dire dans 30 minutes. Et puis si vous avez cette bonne réponse, vous repartirez avec la GoPro et Phil repartira les mains vides. Si personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on appelle, bah c'est le répondeur, hein, décroche pas, et bah c'est Phil qui gagnera également. Phil, on te récupère tout à l'heure, ok? Ok. Allez, reste avec nous, Phil. On va d'abord faire la suite maintenant du je t'emmerde avec Ophélie, avec Alexis. On parlera encore des accidents cons juste après. Tiens, Ophélie, t'as déjà vécu un accident con ou pas, toi? Je sais pas si c'est un truc con, mais quand j'étais petite, je me suis cuisiné des nuggets et la poêle avec l'huile brûlante m'est tombée sur la main. Ah, oh, comme moi. Putain, on est frères de conneries. Oh, je suis touché. Ah bah oui, moi aussi. Bah, ça a été touché surtout, hein, par le feu, enfin par le brûlant. Ah, moi j'étais en train de faire des crêpes, mais tu sais, des espèces de petites crêpes que tu surgelais là, qui sont pliées en deux avec un peu de fromage dedans, là, et jambon, ou je sais plus ce qu'il y avait dedans. Moi je les avais mis dans la poêle, et puis bah, je suis passé à côté, donc j'ai bousculé la poêle avec la poignée de la poêle en fait. Et donc du coup, la poêle a volé, j'ai voulu la rattraper, et tac, avec les deux mains, ça m'a cramé des mains là, putain, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Et puis j'ai appelé ma mère, hey, je me suis cramé, mais tu sais, j'étais petit, hein. Je me suis cramé, bébé, qu'est-ce que je fasse? Mets tes mains dans du lait. Et comme un con, parce que j'ai vraiment été con pour le coup, mais vraiment stupide. Tu l'as cru? Non, mais cela dit, vraiment, quand vous brûlez, vous mettez les mains dans du lait, franchement, ça fait du bien. Ça guérit pas, mais en tout cas, ça fait du bien. Ah ouais, putain, je savais pas. Et comme un mongol, au lieu de prendre un pot, je sais pas moi, une casserole ou n'importe quoi et mettre du lait dedans, non, j'ai niqué toutes les réserves de lait. Parce qu'en fait, je versais le lait en fait sur mes mains et puis le lait partait dans les ah ouais, t'as cru que c'était de l'eau qui coulait, toi? Ouais, c'est ça, tu sais, j'ai versé, puis ma mère arrive le soir et me dit, mais il est où le lait? Bah, tu m'as dit d'utiliser pour les mains. Ouais, mais t'as vidé les 5 bouteilles d'un litre. Bah ouais, alors je me suis fait en plus engueuler, enfin bref. Gratos, quoi, tout ça c'était gratuit. Bah bravo, hein. Tout ça, pour une fois que je me décide à faire la cuisine. Ouais, comme quoi. Du coup, j'ai arrêté, hein. Bah oui, t'as raison. Bah non, mais c'est vrai. Et toi, Alexis, t'as déjà eu des accidents cons? Non, je me rappelle pas. Tu te rappelles pas? Bon, c'est qu'ils étaient pas si cons que ça. Bon, Alexis, Ophélie, on va continuer maintenant ce magnifique jeu qu'est le je t'emmerde. Le principe comme le même, je le rappelle pour ceux qui viennent de débarquer, qui auraient eu, je sais pas, ils en auraient peut-être eu marre d'écouter d'autres émissions de merde. Alors du coup, ils ont peut-être zappé un moment où ils sont arrivés ici. Ils disent, ah, bah que se passe-t-il? Eh bien, on est là. Mickaël No Limit, c'est jusqu'à 2h tous les soirs. Et le dimanche, de 20h à minuit. Ah, il y en a beaucoup qui se rendent compte au fur et à mesure qu'il y a des émissions de merde en face. Et qui, à un moment, ils pensent être emprisonnés sur d'autres radios. Oui. Mais non, vous savez que vous pouvez tourner le bouton. Cela dit, ici aussi, cela dit au passage. On n'est pas en ex-URSS au temps du communisme. Exactement. Enfin, on n'est plus. Peut-être qu'on reviendra après, on ne peut pas savoir. Enfin. Bon, alors, Ophélie, Alexis, on va continuer ce je t'emmerde. Ophélie, t'avais fait 11 je t'emmerde. Alexis, on n'avait fait que 6, si je m'excuse. C'était pas 12. Ou 12, je sais plus. Ophélie, c'était 12 et Alexis, c'était 6. Ah ouais, là, c'est ça, 12 et 6, donc très bien. Ophélie, donc on va remettre le couvert avec toi, tu vas continuer. Si tu fais moins de 12, on gardera 12 comme score. Si tu fais plus que 12, on gardera le meilleur des deux. D'accord? D'accord. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle Ophélie. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. D'accord. Et il y a toujours la surprise de Toff qui arrivera tout à l'heure. On va le remodeler. Ah, oui. Allô ? Oui, allô, madame ? Oui. Oui, excusez-moi de vous déranger. En fait, j'habite dans votre villa, dans votre ville. Dans votre ville. Et en fait, ce matin, j'ai reçu une lettre un peu bizarre. Bah, attendez, je vais vous la lire. C'était marqué « Salut toi, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, connasse, je t'emmerde, grosse salope. » Et en fait, ce serait pour vous demander si vous auriez eu une lettre dans ce genre, par exemple, avec des « je t'emmerde partout », des « je t'emmerde par-ci, je t'emmerde par-là ». Je t'emmerde par là. Vous avez eu mon numéro comment ? Bah en fait j'ai cherché sur l'annuaire parce que sur l'annuaire pardon parce que en fait c'était pour demander si quelqu'un était dans la même situation que moi parce que recevoir autant de je t'emmerde comme ça sur une lettre ça m'a fait peur en fait. Paris, hein, vous allez enfin moi je veux bien que vous alliez pêcher sur la zone entière de Paris mais vous allez avoir du mal. Hein. Ouais, bah, c'était juste pour demander en fait parce que ce que je vous dis recevoir des je t'emmerde des je t'emmerde partout sur une lettre ça fait un peu peur ça fait quelqu'un qui va venir vous voir et puis voilà et puis les je t'emmerde enfin, dans ces cas-là il faut aller faire une main courante. Elle est gentille. D'accord, ouais, merci. Il faut aller faire une main courante. Mais vous êtes sûr que vous avez jamais reçu des lettres avec des je t'emmerde partout? Non, non, moi jamais. Non, j'ai eu des choses qui me sont arrivées par mail du même genre, qui sont des piratages. Oh putain. Et puis des trucs comme ça, fini, à Paris, là. Ça arrive tout le temps. Les gens foutent ça dans les boîtes aux lettres juste pour emmerder les gens. Et il faut, il faut pas faire attention. Ou alors il faut aller, si ça vous fait peur, faut aller au commissariat le plus proche. Parce qu'en fait, c'est eux qui recueillent tous ces trucs-là. Oh putain, quand ça devient un peu récurrent dans le quartier, du coup, ils tombent sur la juriste, là, c'est rien. Oh putain. D'accord, madame. Donc, vous comprenez ce que je ressens quand je reçois des lettres avec des je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde partout. Non, je comprends. Oh putain. Parce que surtout, je t'emmerde, je déteste cette insulte. Ah, donc, je vais avoir des histoires. À demain. Je t'emmerde dans cette lettre. Il y a JB qui arrive à l'heure. Salut tout le monde. Bon courage. D'accord, merci. Oh putain, tout d'un coup là, je pensais qu'on allait parler pendant deux heures, mais en fait non, hein, dis donc. Bon, alors, c'est pas mal, Ophi, t'as eu de la chance, hein. Bon, combien de je t'emmerde là ? 21. Oh là là ! Alexis ? T'es dans la merde, ma gueule. Bon, bon bah écoute. C'est tout que 21 en fait ? De quoi, Ophélie ? J'aurais cru plus en fait. Oh, dis donc, c'est déjà pas mal, Ophélie, hein, 21. Si, si, t'as raconté ta life, mais t'as pas mis beaucoup de je t'emmerde. Eh ouais. T'aurais pu en placer plus, cela dit. Mais bon, bah 21. Oui, c'est vrai, j'ai pas lui couper la parole. Non, mais 21, c'est déjà pas mal. Bon, reste c'est avec nous, mal. Ophélie. Alexis. Ouais. Pour gagner, faut faire 22. Eh bah, on y va. Allez, c'est parti. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. D'accord, Alex ? Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Je te souhaite bonne chance. Et toujours le smartphone à gagner. Qui, pour l'instant, va plus chez Ophélie que chez toi. Hein, mais... Allô ? Oui ? Oui, bonjour. En fait, j'ai reçu plusieurs fois des messages où il y avait écrit « je t'emmerde ». Je voulais savoir si vous aussi, vous recevez des messages dans le genre avec écrit « je t'emmerde ». Ben, j'ai pas de message, mais ça sonne sans arrêt. Mais j'ai personne qui parle. Ah, bah, moi aussi, c'est bizarre, quoi. Il y a tout le temps des je t'emmerde. Et moi, ça, en vrai, ça m'embête parce que je sais pas qui ça peut être, quoi. Alors, ben, moi non plus. Tout le temps des je t'emmerde. Moi, je sais même pas qui vous êtes, là, qui m'appelez, là, donc c'est pour ça. Oui, mais on habite en fait l'un d'autre et je voulais savoir si vous. Bah, mais comment vous avez eu mon numéro ? J'ai cherché dans l'annuaire en fait et ça m'embête d'avoir autant de messages avec des je t'emmerde. Oui, mais alors vous avez cherché dans l'annuaire et vous m'avez trouvé ? Oui, parce qu'en fait ça m'énerve d'avoir tout le temps des je t'emmerde. Comment vous savez que c'est moi ? Bah, je voulais savoir en fait, je me renseigne parce que. Bah, vous renseignez, on est combien à Paris ? On est des millions et vous appelez chez moi ? Pourquoi ? Ouais, j'essaie, mais j'essaie quand même parce que je reçois plein de je t'emmerde. Bah, oui, mais pourquoi vous avez appelé chez moi ? Bah parce que je mène une petite enquête comme ça pour savoir si vous savez si vous aussi vous recevez des messages avec je t'emmerde, tout le temps, partout, ça m'énerve. Il est parti. Oh. On ne compte pas les trois derniers. Alors, la barre est haute aussi, Alexis. T'as eu de la chance aussi, là. Bon, alors, Toff qui a comptabilisé tous les je t'emmerde. Alors, je rappelle que Ophélie, la première fois, elle a fait 12. La seconde, elle en a fait 21. Alexis en avait fait 6. Et là, maintenant, il en a fait 29. Oh, Bravo, ils ont été bons ce soir. Eh ben, c'était pas gagné d'avance pourtant, Alexis. Ah, bravo. T'as eu chaud, là. Ah ouais, là t'as eu chaud. Je peux te le confirmer, mec. Ouais. Hein, je te le confirme. Bon, eh ben, écoute, malheureusement, Ophélie, si Alexis est un gentleman, vu qu'il a un iPhone 5S, déjà, il te filera le smartphone Arcos. Si ce n'est pas un gentleman, il le gardera. Ah non, je le garde quand même, je veux faire du fric un peu. Quel escroc quand même, hein. Grave, grave, grave. Oh, quel enculé alors, Alexis. Alors que... Et ben, moi, je te donne du fric, moi, tu me le donnes. Alors que t'aurais pu serrer Ophélie, Alexis, t'as encore rien compris. T'aurais pu, lui filer le téléphone, t'aurais dit, bah, écoute, on va se voir pour l'envoyer parce que j'ai pas confiance en la poste, blablabla, bla, bla, et hop là, une pierre de coup, mec, et non. Ouais, non, je croyais non. T'es pas obligé de me l'acheter, tu sais. Ouais, ouais, t'inquiète. Et ça compte pas en fait que j'ai eu un point avant lui en fait, ça change pas. Que t'as eu quoi un point? Non, c'est le meilleur des deux. J'avais gagné la première manche. Ah non, non, non, c'est le... Bah non, parce que j'ai dit au début, on prend le meilleur des deux scores. Et là, ça ne t'arrange pas, donc forcément, t'essaies de gratter. Mais non, mais non, mais non, mais non, Ophélie. Bon, bah c'est pas grave, Ophélie, tu retentes ta chance quand tu veux, d'accord? En tout cas, vous avez bien joué tous les deux. Ah, merci. Allez, gros bisous à vous. Je veux faire une petite dédicace. Allez, vas-y Alexis, vas-y, il y a une seule personne, ouais, choisis la bonne. Ouais, je fais une dédicace à Dylan Jerry qui vous écoute tout le temps, tous les jours. Eh bah super, merci à toi, t'as bien fait la promo que tu passes à la radio ce soir, hein, sur Fun Radio. Ouais, ouais. Bon, parfait, toi aussi Ophélie. Ah non, même pas. Ah bah bravo, ah bah. Bien fait, t'as perdu. C'est bien fait que t'es perdu. Non, on va se repasser Sandro, on va vous quand même te filer un kit, au fait, un pack fun. Ah merci. Salut, à bientôt, ciao. Salut. Allez, bye. Salut. Bon, on va revenir avec la colle de fil dans quelques minutes. On va parler des accidents cons avec Pierre. On aura David qui sera là également. Et puis j'en avais parlé tout à l'heure. L'excellent son de DJ Cassidy avec Calling All Earth sur Fun Radio. Juste après, on parlera également des teubés de la télé. Oh, je le kiffe le son là, DJ Cassidy avec Calling All Earth sur Fun Radio. Ah, il est bien foutu. Ah, j'aime il est bien, énorme, ouais. Il fait très funky. Yannès également qui dit, c'est quoi le nom de ce son? Il est tout à fait sympa. Eh ben, DJ Cassidy avec Calling All Earth. Voilà, il y a Fred S34 qui dit, au final, je kiffe le jeu, je t'emmerde. Eh ben, tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message là? Ni deux ni mètre. Ah oui, par rapport aux accidents cons là. Vacances en Turquie, je monte sur le toboggan, genre 15 mètres de haut. Je descends la tête en avant comme tous les gosses, sauf qu'il y avait pas l'eau. Il y avait, tu sais quoi? Sauf qu'il y avait de l'eau jusqu'au genou, pardon. Résultat, déviation de la cloison moderne. Nasale, plus osseuse, plus 8 points de suture sur le front et 2 sur le menton. J'avais 25 ans. Ah oui, bien c'est... Mais c'est normal, c'est quand on va dans le truc des enfants, quand on a 25 ans. C'est ça, il y a Avgaz aussi qui dit, j'étais en moto, j'ai regardé le cul d'une fille, je me suis pris la voiture dedans. Ça c'est bon. Ouais, ça c'est bien mec. Amandine, gros bisous, je vous écoute ce soir pour m'endormir, vous êtes trop fort, je vous embrasse tous sur la fesse gauche. Cool Amandine. Avec plaisir. Je sais pas si je dois bien le prendre, je vous écoute pour m'endormir. Tu vois, mais bon, bon, c'est gentil quand même Amandine. Et Etienne, bah pour la fesse, dit, moi je le prends même. Ouais, pour la fesse peut-être. Etienne également, je me suis ouvert avec une boîte de Pringles, mon frère a shooté la boîte. Elle est... était quoi? Elle est, elle a ratterri sur dans ma gueule. Ouverture de l'arcade carrément. Et Sylvain qui m'a envoyé un mail également. Moi j'étais à la piscine, j'ai sauté directement dedans. Sauf qu'il y avait 60 cm de profondeur. Au final je me suis pété tous les os du talon. C'est Sylvain. Oh, et oh, ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué en général? Il y a marqué quoi? Ne pas plonger. Ne pas plonger quand c'est des petites piscines. Voilà. Ne pas plonger. Et un message aussi. J'ai mis un coup de pioche sur le crâne de mon frère jumeau à 6 ans. 4 points de suture. C'est Jonathan. Quand même, ça nous en fait. Bon, dites-nous si vous avez déjà fait des conneries, vous. Qu'est-ce que vous avez déjà eu comme accident con? Eh bien, on en parle ce soir, 01 42 48 5000. Il y aura Polo et Pierre dans un instant. Jean-Marc aussi, et puis David qu'on a eu en speed au début de l'émission là, de Montpellier. David, t'es toujours là? Ouais. Bon, très bien. Alors, David, tu nous appelais pourquoi, toi, dis-moi? Pour dire que les filles, elles ont toujours des excuses pour pas faire l'amour. Comment ça, elles ont toujours des excuses pour pas faire l'amour? Ben... Avec toi, mais... Ah non. Elles disent, oh, j'ai mal à la tête. Ah oui, oui. Ah d'accord, oui, donc les excuses pour pas faire l'amour, genre c'est ta copine? Non, toutes. Toutes? Non, mais attends, tu peux pas faire une généralité avec toutes. C'est quoi? Pourquoi tu nous appelles? Parce que ça t'est arrivé il y a pas longtemps, j'imagine. Eh ben oui. Ah bah ben oui, et donc c'était quoi la dernière excuse? C'était avec ta meuf ou avec une meuf comme ça un coup d'un soir? Oh, un coup d'un soir. Ah, c'est bizarre, un coup d'un soir. Non, mais un coup d'un soir, la meuf, elle avait pas envie, c'est-à-dire que... C'est ouais, tout. Donc c'est pas un coup d'un soir. Non, c'est, oui, ouais. Si c'est toi, tu espérais que ce soit un coup d'un soir et elle, elle avait juste envie de te chauffer et puis elle a abandonné, quoi. Ouais, bah à la limite, venez nous dire, tiens, les filles, on va faire un top 5 pour voir quelles excuses vous sortez le plus souvent pour pas vexer votre mec, par exemple, quand vous avez pas envie de faire l'amour, là. Venez nous dire ça, qu'on voit l'excuse qui est recevable. Voilà, donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0, on va en parler dans quelques minutes, du coup. Et qu'est-ce que tu lui as dit quand elle t'a dit ça, toi, derrière ? C'est pas possible. Attends, j'entends rien parce que t'as ton téléphone, à mon avis, qui doit être en dessous de ta bouche. Attends, hein. Ouais, vas-y. Mais il a pas compris le principe du téléphone. Mais si, attends, je crois qu'il était couché en fait. David ? Non, c'est pas ça. C'est quoi ? Attends. Vas-y, t'as levé le kit ma libre. Non, c'est que je suis à l'internat. D'accord. Et du coup, tu dois parler doucement. Voilà. D'accord, j'ai tout compris, très bien. Bon, et donc du coup, qu'est-ce qu'elle... je sais plus ma question, madame, qu'est-ce que je lui ai demandé? Quand ça lui était arrivé. Ah oui, c'était arrivé quand? Oh, il n'y a pas longtemps. Mais oui, mais c'est une fois, c'est pas arrivé 100 fois quand même. Non, mais de toute façon, elle en veut des prétextes. Mais nous, on n'en veut pas à la tête. Mais tu parles comme si t'avais couché avec 2 ou 3 millions de femmes. Oui, c'est ça. Possible. Ou 4. T'as couché avec combien de meufs ? D'un prix, moi. Ah, pas 2. T'as couché avec combien de meufs ? Oh, une bonne centaine. Une bombe, tu te la ramènes un peu, David, là, non ? Hein, David ? 100 meufs. T'es pas en train de te la ramener un petit peu, là ? Hein ? C'est un dans ta gueule. Hein, il me semblait aussi, hein. Bon, appelez-nous les filles, là, je veux avoir vos avis, là. C'est quoi les excuses que vous avez déjà balancées à votre copain pour pas coucher avec lui ? Ou au contraire, vous êtes un mec, et quelle est l'excuse que vous avez déjà prise de votre meuf, justement, pour ne pas coucher ? Vous nous appelez maintenant, 01 42 48 5000, 02 851 4x0. On en parle, David, d'accord ? Ouais. Ça roule. Bon, on va parler des accidents cons aussi avec Jean-Marc qui est avec nous de Pau, là. Salut, Jean-Marc. Salut, bonsoir, c'est l'équipe. Comment ça va ? Ça va, tranquille, hein, parce que j'ai du mal à vous avoir. Bah oui, mais c'est normal, il y a beaucoup de monde, Jean-Marc. Voilà. Il faut faire la file, mais le principal, c'est que tu sois là. Oui, voilà, c'est maintenant. Eh oui. Là. Bon, alors, vas-y, on t'écoute. C'est quoi les accidents cons que t'as eu, toi ? Bon, j'en ai eu plusieurs, là. Moi, j'ai eu... Pour une glace, pour un pouce-pouce, hein, les glaces. Alors attends, parce que là on a le problème inverse d'avec David. David nous entendait mal parce qu'il avait le téléphone en dessous de la bouche. Toi, j'ai l'impression que t'as le téléphone dans ta bouche. Non, là, ça va. T'as le kit main libre, non ? Décale-le un peu de ta bouche. C'est bon, là, ça y est. Bon, là, ça a l'air d'aller mieux. Ouais. Bon, vas-y, alors, c'est quoi les accidents bêtes ? En tout cas, l'accident bête. Alors, j'étais au foyer quand j'étais jeune, je suis passé par une barrière où il y a des pics. Vous savez, des pics pointus, là. Ouais. Et ça m'a ouvert la fesse, tout ça pour une glace. Ah oui, c'est. Pour c'est une glace ? Ouais, pour un pouce-pouce, parce que je voulais passer par la barrière pour aller dans les cuisines et voilà quoi. Eh oui, ça c'est quand on fait le malin. Et la fesse, voilà. A été ouverte sur combien de centimètres ? Ouais, assez importante, mais j'ai pas eu de poids, je me suis mis pansement, ça s'est cicatrisé tout seul. Putain, t'as pas touché le trou du cul, rassure-nous. Non, heureusement. Bon, bah c'est déjà ça. Un autre fait écarteler les fesses. Ouais, un autre accident bête ou pas ? Oui, encore, j'en ai plusieurs. Dans le train, j'ai ouvert les portes, les deux portes qui s'ouvrent et les deux couches sont restées coincées. Ah oui, c'est. Non mais c'est un problème. Plus refermé, quoi. Bah oui, forcément. Après j'ai ouvert la porte du train et quand le train commence à partir, j'ai voulu poser le pied et le pied a fait clac. Ah oui, et il a eu quoi ? Eh bien, t'es bien Richard. J'ai eu l'entorse, c'est comme j'avais rien, j'ai mis du dentifrice signal plus au fluor et nickel, c'est parti. Mais dis-moi n'importe quoi, l'autre met du dentifrice sur les blessures. Ah non, c'est comme une pommade, le docteur m'a dit, c'est comme une pommade, ma gueule. Ah ouais. Ah bon, bah je sais, bah tu vois, je me coucherai encore ce soir. Voilà. Bah voilà, très bien. Bah merci en tout cas, hein. Merci Jean-Marc. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe, merci beaucoup. Avec plaisir, tu reviens quand tu veux, Jean-Marc. Ouais, salut. Ouais, merci. Ciao, à bientôt. Il y a Polo également avec nous là de Seine-et-Marne. Salut Polo. Salut Mika, bon, ça va pas du comment ça va ? Ça va, tranquille. Hein. Bon, j'ai sauvé Tof, comme vous avez pu le remarquer, de cette vanne de merde. Non, moi j'ai une vanne ridicule. Le salut Polo du 77. Ah bon, il fait du 95 parce que Polo est du 95, donc voilà. Je t'ai donc sauvé, ne me remercie pas. Je t'en prie. Alors, c'est quoi les accidents cons, toi, Polo ? Moi, j'en ai eu deux très cons, on va dire. Ouais. Alors, le premier, c'était il y a une quinzaine d'années à peu près. J'allais dans un Lidl, en fait. Tu sais, dans un Lidl, t'as une entrée et une sortie. Enfin, je croyais que c'était ça ton accident con. Ouais. En fait, dans tous les magasins, il y a une entrée et une sortie. Hein. Ouais, non, mais je veux dire, tu sais, t'as une entrée, mais tu peux pas ressortir par l'entrée, en fait. Ouais, il y a un chemin pour éviter la chour. Ouais, voilà, ouais. Et si tu veux, moi, je suis rentré, j'avais oublié quelque chose dans ma bagnole, donc. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais en courant, donc je rentre totalement dans le magasin et je me tape la vitrine en fait. La porte n'est pas réouverte. Et en fait, j'ai explosé toute la porte et je me suis explosé la gueule avec. Ah oui. Moi, ça m'est arrivé aussi un truc, mais c'est avec un poteau. Puis j'étais en train de je sais plus ce que je foutais, je crois que j'étais en train d'écrire un message et bam, le pote en pleine gueule. Ouais, mais ça, non, mais ça arrive quand t'es concentré sur autre chose, quoi. Il y a Damien qui dit pour les examens, moi j'ai déjà eu, je suis malade, je vais pas bien. Ouais, faut pas le rapport. Sinon le deuxième, ouais, je me suis cassé le pied en marchant, quoi. Ah, c'est bien ça aussi, genre. C'est vraiment très con. Et ouais. Mais en fait, j'allais au boulot là et bah, je venais de prendre mon service, quoi. Ouais. Et bah, je sais pas, je marchais pour aller pointer, quoi. Et je me suis cassé le pied en pointant. Et après, j'ai dû rentrer, j'ai dû me taper 700 km en voiture, j'ai dû rentrer avec ma voiture et tout. Oh là là, l'horreur, l'horreur. La misère. Tu m'étonnes. Sur le coup, les deux premières heures, j'ai galéré parce qu'en fait, j'ai pas pu aller chez le médecin tout de suite parce que personne ne me croyait que je m'étais cassé le pied, en fait. En fait, on pensait que c'était juste une foulure, tu vois. Ouais. Donc le temps de sortir du site, parce que je travaillais dans un site, parce qu'avant je travaillais en structure et charpente métallique, donc je travaillais dans un site, on va dire, un peu secret, on va dire. Donc c'est très... Genre, c'est quoi ce site secret? Ouais, c'était un truc pour Total, en fait. C'est ah, d'accord. Mais, il travaillait pour le FBI. Ouais, le FBI, voilà. Et ouais, CIA, tout ça, tout était là. Tout était très contrôlé, tu vois, pour rentrer et pour sortir. Donc pour sortir, c'était la misère. Et après, bon, donc j'ai dû aller à l'hôpital et c'est quand on a fait les radios qu'on s'est aperçu qu'en fait, je m'étais cassé le pied. Et ah oui, d'accord. Le médecin m'a demandé comment j'ai fait ça, bah, j'ai dit, ben, j'ai rien fait, j'ai marché. Elle me croyait pas, quoi. Sans déconner, mais évidemment, tu m'étonnes qu'il te croyait pas, là. Évidemment. Bon, le Damien, pour l'excuse, c'était par rapport à ne pas faire l'amour. C'est moi qui l'ai lu au mauvais moment, donc Damien, je vais le lire dans quelques minutes. Il y a Tommy aussi. Moi, à l'accident, j'ai voulu faire un dérapage en vélo, j'ai freiné du frein avant. Ah oui, ça m'est arrivé aussi. Ah ouais, je suis passé par-dessus le guidon, je suis tombé le genou en premier et un caillou qui était dans mon genou, on ne le voyait pas, deux points de suture. Moi, je me suis ouvert toute la lèvre comme ça, en fait. Je suis passé au-dessus du guidon et j'ai la lèvre qui est arrivée la première sur le sol et l'a râpée comme ça sur. Non, c'était horrible. Il y a eu une vidéo d'un skateur qui a essayé de passer une rampe et en fait, il est tombé les couilles le premier. En fait, il s'est ouvert le sac. Avec la couille pendante. Voilà. L'horreur. Bon, bah très bien. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Polo, d'être passé. Ouais, bah merci. De rien, je reviens demain. Ta gueule. Et tu reviens quand tu veux, Polo. Avec grand plaisir. Tu rappelles quand tu veux, Polo. Tu rappelles quand tu veux. Merci beaucoup. Ouais, salut Polo. Salut, ciao à toi. À bientôt. Bye bye. Bon, allez, on va continuer avec Phil dans quelques minutes. On va parler des métiers également. Je vous en parlais en début d'émission. Qu'est-ce que vous feriez comme métier si vous aviez la possibilité de choisir? Alors, soit vous, parce que vous êtes encore à l'école et que vous avez envie de faire un truc en particulier. Soit, qu'est-ce que vous feriez si vous pouviez choisir, si vous pouviez changer en fait. Parce qu'on a eu Léna tout à l'heure, 13 ans, qui voulait faire médecin légiste, exactement. Donc moi, je suis animateur radio, je suis très content parce que j'adore. Mais j'aurais bien fait pilote d'avion également. Ah, escroc. Ah non, j'aurais bien voulu être escroc ou dictateur. Mais t'es déjà escroc et t'es déjà dictateur. Non mais ouais, à grande échelle, il aurait voulu avoir un pays, tu vois. Ah, tu veux un pays? Ouais, je vois. Il se voit bien en Poutine. Demande à Poutine s'il peut pas te laisser un petit morceau de la Russie pour t'entraîner. Ah, la Crimée par exemple. Là c'est dedans, mais c'est genre la Syrie, c'est le truc paumé en plein milieu de rien là. La Sibérie, ouais. Un petit morceau perdu en plein milieu de rien. Je vais demander avec 2-3 où il y a des chevaux et puis 2-3. 2-3 mecs qui se baladent. Voilà, quoi. C'est ça. C'est comme ça, tu pourras être tranquille et tu pourras t'entraîner. Voilà, ça me paraît un bon plan, ça. Hein? Ça me paraît un vrai bon plan. Non, moi je pense qu'il serait bien en plus. Oui, à tester, ouais. Avec son peuple. Et alors, on a Christophe qui est avec nous, 17 ans de Paris. Salut Christophe. Salut Mika. Comment ça va? Salut. Eh ben écoute, ça va. Bon, ça très va. Bien. Bon, Christophe, on va parler de métier avec Thomas aussi dans quelques minutes. Tu restes là? Vous restez là tous les deux? Ok. Très bien, on va faire le karaopé également. Si vous voulez jouer avec nous, appelez-nous 01 42 48 5000 02 851, 4x0 depuis la Belgique. On cherche deux garçons et deux filles. Donc si vous voulez jouer avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus. Vous nous appelez le karaopé, ce sera dans quelques minutes. Et puis vous savez qu'on aime bien parler de télévision, hein. C'est n'oubliez pas les paroles. On sent que le père kiffe trop les enfants là. Et vous avez vous-même des enfants? J'ai 3 enfants. Waouh. Qui s'appellent que je salue aussi. Lou et Vache. Que je salue, que j'embrasse. Ça que j'embrasse, oui. Papa les salue. On a l'impression que vous les avez jamais vus depuis 25 ans. Ils ont quel âge? Non. Alors, Lou et Vache, qui a 4 ans. Ouais. Corentin, qui a 13 ans. Okay. Et. Excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Non. Léo. Excusez-moi. C'est le direct. Ouais, l'autre il oublie. Et l'autre il oublie le prénom de son gosse, quoi. Oh, c'est chaud. C'est quand même violent. Même le direct, je suis pas sûr que ce soit réellement ça. Mais enfin bon. Et puis en Australie, chez les anges, Thibaut trouve les mots pour casser en douceur. Avant de venir ici, Je voulais te laisser une dernière chance, mais je t'ai dit, le mal est fait. J'arrive plus. J'arrive plus à venir vers toi, j'arrive plus à rien. Super. Je sais pas comment t'expliquer avec des bons mots, mais... Tu vas quoi donc? Tu veux être célibataire, hein? Pas être célibataire, mais je veux plus être avec toi. Allez, je veux pas être célibataire, mais je veux plus être avec toi. Moi, ça mérite d'être clair. Et puis, dans Est-ce que ça marche, une chroniqueuse nous parle de sa passion pour Yannick Noah. Ce n'est pas possible. Oh, c'est-à-dire que si un jour, on ne sait jamais, je gagne une forte somme, je suis milliardaire, voire je me marie avec Bernard Montiel, oui. Je pense que je peux racheter l'ensemble de son catalogue pour interdire la diffusion. Non. À ce point, mais oui, attendez. C'est inaudible, j'ai envie d'assassiner des dauphins quand j'entends Yannick Noah. Je voudrais qu'il se passe un truc qui est une guerre nucléaire. Allez, l'autre, il est un peu violent quand même avec Yannick. J'aime bien le délire. Assez violente quand même. Bon, allez, restez sur Fun Radio, il est minuit 20, on est au cœur de la nuit sans pub. Et puis, vous le savez, hein, c'est le 20 mars, là, c'est la Happy Day Fun Radio. C'est la journée où tout le monde est heureux. Donc, on attend tous vos messages sur Instagram, sur le Twitter avec le hashtag Happy Day Fun Radio. On attend ça, bien entendu. Et puis, on en parlera tout au long de la journée, dans toutes les émissions sur Fun jusqu'à demain soir, minuit. Happy Day Fun Radio, le hashtag Happy Day Fun Radio. Je compte sur vous pour balancer un maximum de photos avec, vous faites des selfies en mode heureux, en mode happy. Ah oui. Voilà, on a mis une tout à l'heure là sur le Facebook, allez voir ça. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mikael, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, et puis on va se faire péter le son de Pharrell Williams sur en mode Happy Day Fun Radio justement. Tiens, c'est Marilyn Monroe, le petit nouveau, minuit 21 sur Fun Radio. Si vous débarquez pour la première fois sur Fun ce soir, eh bien sachez que vous êtes les bienvenus et que vous avez enfin trouvé quelque chose à écouter le soir à la radio. 23h, 2h. C'est Mikael No Limit sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Allez, Pharrell Williams sur Fun, c'était Marie Monroe. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mikael No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mikael No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Yes, c'est avec Charlie qui envoie son message sur le Facebook. Vive Fun Radio, il dit il y a Pharrell. Happy Day Fun Radio avec le hashtag, bien sûr. Bah, merci Charlie. DJ Daminou, j'aurais aimé faire DJ Pro, mais c'est trop de la merde pour trouver du taf. Ah oui, c'est sûr que c'est pas le truc le plus simple. Hein. C'est un métier un peu bouché. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Il y a Julie aussi qui dit coucou à toute l'équipe. Alors moi, pour pas faire l'amour, je dis que j'ai mes règles qui sont arrivées. Bisous à tous. Ah oui, je vous demandais justement par rapport à Damien là qu'on a eu, David pardon, qu'on a eu, qui se plaignait que toutes les meufs lui donnaient des excuses pour ne pas faire l'amour, que c'était relou, etc. Qu'est-ce que vous donniez comme excuse, les filles, pour ne pas faire l'amour justement? J'ai trouvé sur internet le top 5 des excuses préférées. Exactement. Je les lirai tout à l'heure. Fariel également. Mon pire accident con, c'était dans un petit chemin. Je me baladais à vélo, tout à coup une voiture arrive, je me mets au bord pour laisser passer, je perds l'équilibre et je tombe dans l'étang qui est situé à côté. Ah, pas de chance. C'est pas de chance. Damien, pour les excuses, moi j'ai déjà eu, je suis malade, je vais pas bien. Il y a Amandine qui dit l'excuse toute simple, quand j'ai pas envie de faire l'amour, j'ai mes règles ou alors je suis fatigué. Ouais, mais tu peux pas avoir tes règles tous les jours, quoi. C'est ce que j'allais dire. Si t'as eu tes règles la semaine dernière, il y a un truc bizarre quand même, hein. Mais après la fatigue, ça marche. Pardon, et Christophe qui dit l'excuse de mon ex, c'était la fatigue quand elle voulait pas rapport, quand elle voulait pas de rapport, mais elle l'était vraiment, et quand elle avait mal de tête, ben c'est en faisant l'amour que ça passait, drôle de femme. Ouais, alors déjà vous pouvez lui dire, hein, quand vous avez votre copine qui vous dit mais j'ai mal à la tête, c'est le meilleur moyen de mieux qu'une aspirine. Il paraît. Ah ouais, mais après il faut la faire jouir, hein, parce que sinon ça marche pas. Hein. Oui. Voilà, parce qu'il y a les endorphines qui sont libérées, etc. Et c'est ce qui fait que ça passe, le mal de crâne s'en va mieux qu'une aspirine. Mais si vous ne le faites pas jouir, évidemment, on n'y arrivera pas. Hein. Ah oui, mais c'est pour ça que moi j'y suis jamais arrivé. Voilà. Ah bah oui. Ouais, je pense que tout est dit. Hein. Bah oui. Bah voilà, c'est ça. Donc en toute simplicité, donc c'est fait. Bon, appelez-nous si jamais vous avez d'autres excuses, les filles. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On en parle dans quelques minutes justement. Justement, parlant d'excuses, Manon est avec nous de Brest. Salut Manon. Salut Mika. Comment ça va? Ça va nickel, et vous? Bah très bien Manon. Tu fais quoi dans la vie, toi? Bah moi je travaille au McDo pour l'instant, donc. D'accord, bah, c'est pas mal, tu sais, c'est très bien. Principal, c'est d'avoir un taf. C'est toujours bien. Hein. Bah, bien sûr. Bon, alors, du coup, Manon, toi, c'est quoi les excuses pour pas faire l'amour avec ton mec? Que j'ai envie de vomir. Ah, ah oui, c'est. Ouais, ça aide. Mais bon, tu peux pas non plus. Ça marche bien, moi. Ouais, bah, j'imagine. Tu peux pas non plus donner cet exemple tous les jours. non, mais ça c'est vraiment dans les cas extrêmes. Et s'il te demande, bah c'est génial, j'adorerais ça que tu me vomisses dessus. Je pense que je pars en courant. Bah pourquoi, bah pourquoi on peut aimer se faire vomir dessus. Bah oui, attends, désolé. On t'a déjà donné cette excuse là ou pas, David? Hein? On t'a déjà donné cette excuse ou pas? Hein? Non. Jamais. Bon, tu vois qu'on t'a pas donné toutes les excuses. Bah oui. Attends, il y a Cécilia également de Bourg-en-Bresse. Salut Cécilia. La ville préférée salut, de toi. Ouais, mais surtout pour bourrer lui. Hein. Moi je préfère Bézon après. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Salut Cécilia. Alors, salut, Cécilia, comment vas-tu? Bah ça va et vous? Bah très bien. Tu fais quoi dans la vie toi, Cécilia? Moi je suis secrétaire comptable. D'accord, ok. Tailleur et tout, tranquille? Non, pas tailleur, mais jean, ballerine. Ah ouais, jean, ballerine. Je déteste les ballerines. Oh, quelle horreur. C'est vrai qu'il n'y a rien de pire que les ballerines quand il fait froid. La meuf, elle a le pied rouge. Ouais, ouais. Non, mais même quand il fait chaud, je trouve que c'est vraiment une chaussure hyper laide. C'est horrible. Ouais. Il n'y a rien de pire que la ballerine. Ouais, je trouve ça super moche. Mais bon, c'est une question de goût, évidemment, hein, Cécilia. Bon, alors, du coup, toi, Cécilia, là, qu'est-ce que t'as déjà donné comme excuse de ton mec pour ne pas faire l'amour? Moi, bah alors, des fois, je lui dis je suis fatiguée alors que je suis pas forcément fatiguée, ou alors j'ai mes règles et j'ai pas forcément mes règles. Mais toi, tu lui... Sinon... Mais pourquoi ne pas dire juste pas envie, en fait? C'est pas grave, hein. Tu me baiseras demain. Non mais moi si ma meuf me dit non écoute ce soir j'ai pas envie, bah elle a pas envie, c'est pas grave. C'est pas une obligation. Mais non, c'est pas mieux d'avoir une excuse. Pourquoi? Au contraire, après tu t'en mêles les pinceaux. Moi je vivrais mieux si ma meuf me dit écoute ce soir j'ai pas envie, que qu'elle s'en mêle les pinceaux en disant non mais j'ai mes règles, et puis après une semaine après elle a vraiment serré. Non mais j'ai encore, mais alors je comprends pas, c'est arrivé, ça fait la semaine dernière aussi tu les avais, tu vois, que je me rende compte qu'elle se fout de ma gueule. C'est un peu comme si t'as les meufs qui simulent. Elles simulent, et puis à un moment elles en ont plein le cul de simuler, et elles osent pas le dire à leur mec. Et c'est normal, puisque ça fait peut-être des mois et des mois qu'elles se foutent de leur gueule. Mais surtout que tu t'en fous qu'elles simulent et qu'elles hurlent ou pas, tant que t'as fourré, Non mais c'est vrai, c'est normal. Je suis d'accord avec toi. Mais tu demandes à Toff, évidemment qu'il va dire c'est vrai. Et en plus, moi je voulais ajouter, si elle a pas envie de baiser, elle m'appelle avant, je vais voir une autre, et puis on en parle plus. Génial. Ah. Ouais bah oui. N'importe quoi. Non, sinon je regarde la télé, et puis j'ai une émission que j'aime bien par exemple, et je vais lui dire non, bah je regarde mon émission, et puis lui il va se coucher. Et en fait, avant, il était chaud pour le faire, et moi, en fait, non. Ouais. Oui, d'accord. Mais s'il prend sa quéquette et il te met des petits coups comme ça sur le front, ça te donne pas envie? Non, sur le front, pas du tout, j'ai horreur de ça. Mais n'importe quoi. Mais comment tu peux aimer... Ah, une bonne bifle, ça fait toujours du bien. Mais n'importe, bah oui, ça va la donner. Non, pas du tout, non. Moi, bifle, c'est comme les uns les autres. Non, mais, c'est comme les mecs qui s'imaginent que mal parler à leur meuf, tu sais, genre film de cul, quoi. Viens ici, salope, tu sais, ça va les exciter. Non, oui, salope, ça peut les exciter dans un délire bien précis, mais pas comme ça à froid. Ouais. Ah ouais, non, moi j'aime pas ça. J'aime pas les insultes comme ça. Non mais tu vois, à la limite, dans un délire, dans un jeu, ou ouais, pourquoi pas. Mais quand ça arrive gratos, c'est genre Cécilia, viens ici salope, viens me sucer la queue sale chienne. Non mais tu vois, dans les films de cul éventuellement, mais bourre. Je veux dire dans la vraie vie ça existe pas. Non, il y a un truc qui est bien, c'est le claquet de fesses, ça c'est bon ça, t'aimes bien ou pas? Mais pas gratos. Oui, ça mais va, non, mais, oui. Mais bien sûr pas gratos. Mais c'est jamais gratuit, à la fin on veut la baiser. Non mais c'est pendant que tu baisses, Toff, c'est pas avant. Oh là là, bon j'arrête. Il y a Philippe qui dit, Philippe sur l'application Mickaël Nolimit qui dit, si elle dit j'ai mes règles, faut lui répondre sur l'air de la pub, heureusement il y a l'anus. Heureusement il y a l'anus. C'est Philou de Brive. Qu'est-ce qu'il est con. Et Théo également, mon ex c'était va te faire voir, c'est radical. Oui, c'est au moins, là au moins t'es sûr qu'il n'y a pas de problème, hein, ça c'est clair. Bon ben merci les filles, merci Manon, merci Cécilia. Eh Mickaël ? Oui Manon. C'est mon anniversaire mardi, j'ai droit à un petit truc ou quoi ? Eh ben mardi, tu nous rappelles. C'est vrai ? Ah ben non ! Bah oui, bah Manon, oui, c'est mardi. Mardi c'est quel jour ? Ah, pour promettre que vous m'aurez à l'antenne alors. Ah bah tu nous appelles et on passera Manon, c'est le 25 c'est ça mardi non ? C'est ça. 25, oh c'est beau, une bélier Manon, c'est bien les béliers. C'est ça. C'est les meilleurs. Mais évidemment. Mais évidemment. Et les meilleurs des meilleurs, c'est les béliers qui s'appellent Mickaël. Voilà, exactement. Moi, Manon aussi alors. Hein. Et Manon, c'est ceux avec le prénom qui commence par M. Voilà. Voilà, comme ça au moins on fera une bonne alliance. C'est très bien. Bon, bah Manon. Et bah mardi alors. Hein. À oui. Mardi, bisous. Et gros bisous Manon. Oui, Cécilia. Oui, j'ai une copine qui voudrait parler, si possible, elle est à côté de moi. Bah passe-la moi, comment elle s'appelle? Maud. Eh ben c'est parti alors, vas-y. Salut Maud. Allô Maud. Bon bah non, en fait elle veut pas parler. Oh bah alors, c'est parce qu'elle veut quoi. Non mais c'est parce qu'elle a peur de Toff, ce connard, il a évidemment qu'elle a peur. On lui a mis sa muselière, viens. Ah ouais, t'inquiète pas, hein, on lui a mis la muselière et la ceinture de chasteté. Allez, Maud, viens, Maud. Allez, viens, bon, allez, Maud, allez, allez, allez, commence pas à faire ton enfant, allez, allez, prends le téléphone. Bah non, je veux pas parler. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est relou. Bah tant pis, j'allais lui offrir un voyage j'allais lui offrir un voyage à Hawaï, tant pis pour elle, c'est pas grave. Il a dit qu'il allait t'offrir un voyage à Hawaï, tant pis pour toi. Voilà, tant pis pour elle, tant pis, tant pis, tant pis. Bon bah c'est pas grave, salut Cécilia. Sinon vous êtes sur Paris? Bah oui, Cécilia, pourquoi? Ouais, non, juste pour savoir. À côté des champs. Oui, on est tout près des Champs-Élysées. On a la classe, et on a un bureau si tu veux. Ouais. Tout noir en mode bunker, c'est la grande classe. Viens nous voir, viens nous voir. Gros bisous Cécilia. Allez, salut. Je t'embrasse, à bientôt, ciao à toi. À bientôt. Allez, on va parler des accidents cons aussi dans quelques minutes. On aura le karaopé bien entendu. On parlera des métiers avec Christophe et avec Thomas. On aura la réponse également à la colle. La colle, ce sera avec Philippe. Donc, qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous pouvez encore vous inscrire pendant quelques minutes sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel. Bon, on va également parler des mecs. Ah oui. Il fallait que j'en parle ça aussi, effectivement, justement, c'est par rapport à ce que j'avais prévu pour Toff là. Les mecs, est-ce que vous vous faites la manucure? Non, alors moi si, t'as remarqué Toff? Ah moi j'ai remarqué, Polo alors, il prend un soin de ses ongles. Mais là je les ai pas coupés parce qu'on est parti un peu en vacances. On dirait une meuf. Ouais, mais c'est vrai que dans le bureau j'ai des limes à ongles. Il a sa lime à ongles. Ah je supporte il pas. Il a son ongles. Petit vernis transparent. Non, j'ai pas de vernis. Si, il a son vernis. Mais j'aime pas avoir les ongles sales et un peu des pattes. Et transparent. Non, mais je posais la question parce qu'il y a Snoop Dogg ou Snoop Lion, enfin vous l'appelez comme vous voulez, qui vient de mettre une photo de sa main avec une French manucure. Ouais. Ah. Original pour Snoop quand même. Bah ouais, surtout lui qui est quand même censé être un peu le gangsta. Gang. Ouais. Bah, c'est ça, donc je voulais savoir si vous le feriez les mecs et surtout les filles, est-ce que vous aimeriez que votre mec se fasse faire une manucure en fait, tout simplement. Donc tiens, attends, on va demander à Anaïs et à Aurélie. C'est tiens, un peu gay, comme attitude, pas non. Pour ça à la base, mais Anaïs et Aurélie. Oui. Salut les filles, ça va? Ça va, ça va. Bon, la French manucure, vous en faites vous de temps en temps? Oui. Ouais. Et si votre mec un jour débarque avec une French, vous le vivez comment? Je me suis déjà amusée à lui mettre du vernis sur les doigts. De quoi, Aurélie? Je me suis déjà amusée à mettre du vernis sur le doigt. Ouais, mais ça c'est pour la vanne. Mais si vraiment lui il avait été faire une French parce qu'il aimait bien et qu'il était content. Je trouve ça bizarre en fait. Je trouve ça bizarre, hein, toi aussi, j'imagine. Bon, eh ben, donc je vous avais dit qu'on allait essayer d'embellir Toff. Eh bien, j'ai fait venir Fanny qui est avec nous là. Salut Fanny. Salut. Ça va? Ça va bien. N'hésite pas à parler plus près du micro. Tire-le. C'est bon? Ou voilà, c'est parfait. Okay, c'est bon. Bon, donc Fanny qui donc est comment on appelle ça? Manucuriste. Esthéticienne. Esthéticienne, voilà, et donc qui fait notamment des French. Exactement. Voilà. Et donc, et ça t'arrive souvent d'avoir des mecs qui viennent en faire? Jamais. Ah jamais? Jamais, mais pourquoi pas? Bah pourquoi pas, parce que là il y a Snoop qui apparemment en a fait une French. Lance une mode. Bah oui, ouais, mais Snoop, il a dû laisser un bon pourboire aussi. Ouais, non, mais t'inquiète pas, Toff t'en laissera un beau aussi. Hein. Bien c'est sûr. Mais oh, évidemment. Toff blindé. Ah oui. Évidemment, évidemment. Donc, tu vas nous faire une petite French sur les mains de Toff? Ouais, on va faire ça. Bah, parfait, il va être tout beau là. Il va nous exciter Polo, ça. Hein. Non, tu mets du vernis aussi. Donc, non, je mets pas de vernis. Je me coupe les ongles et je les lime, c'est tout. Je mets pas de vernis. D'accord. Bon, on en parle dans quelques minutes. Donc restez tous là, il y a le caropé qui arrive. Christopher et Thomas pour parler des métiers. On va faire les appels avec Toff aussi dans quelques minutes. Et puis je vais vous faire péter un son que vous avez découvert sur Fun Radio, évidemment. David Guetta, Showtex, c'est le nouveau. On écoute Bad maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit. Le son de David Guetta sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël, nos limites, nos limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et il est minuit 39, Yannès qui dit un mec qui se fait les French manucures, c'est quand même beaucoup trop chelou. Hein. Je veux bien qu'il prenne soin de ses ongles, mais excite le vernis. Tu m'étonnes. Il y a le caribou de Toff qui dit Polo avec une lime à ongles, mort de rien. Bah oui, je me lime les ongles. Et le prince Nadia, rien de pire que les ongles moches ou sales en repoussant à l'extrême d'ailleurs. Bon, allez, on va faire les appels de Toff. On va continuer à parler avec vous dans quelques minutes. Le caropé va débarquer. Et puis, les appels de Toff juste après la réponse à la colle avec Phil. Toujours la file. Oui. Bon, très bien. Allez, c'est parti maintenant. Pour la colle, on va appeler le gagnant ou la gagnante. Et je rappelle donc que si cette personne décroche et qu'elle répond bien à la question, eh bien, il gagnera ou elle gagnera et tu perdras. Dans les autres cas, c'est toi qui gagnes. D'accord? Ok. Il y a une GoPro à gagner. On y va, on appelle maintenant. Je te souhaite bonne chance, Phil. Merci. Allez, on appelle quelqu'un qui s'est inscrit par SMS ou sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel. Allez. s'annonce bien pour toi, Phil. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Oh là là là là là là là là. Allô. Tu m'entends? Oui. Ah, salut. Non, tu es déjà au téléphone avec nous, je ne sais pas comment tu t'appelles. Valérie, c'est Valérie. Ah, Valérie, très bien. Arrête de pousser sur les touches de ton téléphone, Valérie. Tu es déjà au téléphone avec nous. Bon, Valérie, il y a Phil qui a une colle à te poser, là. Vas-y, Phil. Alors, qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? C'est la noix de coco. C'est ça. Eh ben voilà. Bravo à toi, Valérie. Oh putain, c'est super génial, ça. Eh ben voilà, mais dis donc, c'est la GoPro qui va arriver chez toi, Valérie. Oh putain, c'est super génial, c'est le fiston qui va être content. Qui ça? Mon fiston. Ton fils, eh ben voilà, très bien, la GoPro, elle est pour lui alors du coup, c'est bien ça, Valérie. Bon, Philippe, désolé mec, hein. Bah ouais, bah tant pis, hein, c'est bah, le jeu ouais, de la vie, bah hein. C'est le jeu, bah voilà, bah tu retentes ta chance quand tu veux, hein, Phil. Ouais, pas de soucis, je peux faire la promo pour mon Facebook. Mais vas-y, y'a quoi sur ton Facebook? En fait, c'est les passionnés de voitures américaines sur Facebook, c'est les Dalton 68. D'accord, les Dalton 68. Ouais, d'accord. On est passionné de véhicules américains, tout ce qui est vintage et tout ça. Ah, si t'as une vieille Ford Mustang de 68, je suis preneur. Ah, il y en a chez nous, il y en a une, ouais. Oh, j'adore, j'adore, la cabrio, elle est tellement belle. Oh là là là là là. Je me verrais bien là-dedans. Hein, Polo? Je me verrais bien arriver là-dedans et Polo à côté en Ford Mustang 68. Oh, la grande classe avec du rock'n'roll et oh tout. Oh là là là là, la folie totale, t'imagines? Oh là là, on serait bien. Si tu viens sur Mulhouse, il n'y a pas de souci. Ah bah écoute, j'espère. Bah, on y passera de toute façon, maman Wallows, quoi qu'il arrive. Ouais. Oh, si on peut faire un tour avec la Ford Mustang, là, je kiffe. Oh ah là, oui. là, serait bien. J'adore. C'est mon anniversaire bientôt, Polo, d'ailleurs. Et Toff à côté avec son autolib pourri. Ouais, et c'est mon anniversaire bientôt, Polo. Non, j'ai ça pour la Ford Mustang. De quoi? C'est l'anniversaire. Quel anniversaire? Ah oui, le 19 oui. Avril, dans moins d'un mois. Bon anniversaire. Ah bah non, mais c'est dans moins d'un mois. Je vais t'acheter des tomates mozzarella. C'est une idée de cadeau, va te faire foutre. Bon, salut Phil. Ok, salut Mickaël, salut. Allez, toute l'équipe. Salut. À bientôt, ciao à toi. Et puis bah bravo à toi Valérie, on va prendre tes coordonnées, on va t'envoyer la GoPro. Oh, franchement, je suis super contente pour mon gamin. Il va voir ça demain matin quand au réveil. Enfin, tu seras pas livré cette nuit, je te le dis direct, Aval. Ah non, je me doute, c'est non, mais le fait de lui dire, quoi. Le fait de D'accord. lui dire, il ne reviendra pas, quoi. Bon, bah, c'est cool. Bah, très bien. Bah, Valérie, je te fais des gros bisous. Je vous remercie, bisous. Salut, je t'embrasse Valérie, ciao à toi, bye bye. Caropé dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis bah Toff qui est toujours en mode manucure là. Bien en manucure, en French manucure. En mode gay pride surtout. Bah ouais, là pour le coup, ouais, parce que pour l'instant toutes les meufs sont plutôt d'accord. Hein. Pour dire que c'est magnifique, mais ah je suis assez d'accord. Ouais, c'est pas mal, ça me donne un petit style. Il y a un message qui est arrivé de FredS34 qui dit Toff qui se fait une French manucure. On veut la vidéo. Oui, bah t'inquiète pas, on est en train de la filmer, tu penses bien, on va vous la mettre sur le Facebook, il n'y a aucun souci. Le Facebook et le YouTube, bien entendu. Bon, pendant que t'es en train de te faire la French manucure, oui. là. Oui, on appelle. Bah on va se faire un petit appel. Mais hein, allons-y. On s'est rendu compte donc, un sondage nous a appris que les hommes devenaient cons en voyant une grosse poitrine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que en gros, si on leur met une image de la campagne, ils réfléchissent. Si on leur met une paire de seins et grosse en particulier, ils ne réfléchissent plus. Voilà. Enfin, donc, des hommes, quoi. Oui, ouais, c'est ça, c'est des mecs. Donc on va appeler du coup et puis on va poser la question grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@fanradio.fr. Allez, c'est parti, on y va, minuit 43. Et on aura Frojack juste derrière avec 10 feet tall. Il est tard. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez des gros seins, madame. C'est quoi cette histoire? Bah c'est une question, madame. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Bah c'est juste pour savoir. Ils font 4 kilos pièce. Ah oui, quand même, vous êtes Ouais. Ah oui, oui. Mais du coup, votre mari, c'est un peu un abruti. Un peu, ouais. Ah bah oui, c'est logique alors, hein, parce que il y a une étude qui vient de sortir qui dit que en fait les gros seins, ça abrutit les hommes. Ah bah voilà. Eh bah voilà, on en a la preuve. Voilà. Eh ben merci beaucoup madame. Je vous en prie monsieur, bonne soirée. Merci à vous, au revoir. Oh dis donc, bon accueil et tout, cool pour une fois, c'est rare. Oui, ça n'arrive pas souvent. Non, ça n'arrive pas et souvent. En plus elle a confirmé, c'est ah ça ouais. qui est beau. Bah du coup on va l'appeler un autre. Ah d'accord. Bah non, je me sens un peu escroqué là. Bah oui, y a pas d'insulte. On a y a pas eu d'insulte, on a pas traité ta mère, t'es pas un enculé, etc. Ouais, pour etc. une fois qu'on a une réponse. Ouais mais justement. Hein. Ouais moi je préfère celui-là. Non. On va en appeler un autre. Attends voilà. On va en appeler un autre du coup. Hein. De toute façon on a reçu plein de numéros donc c'est bien. Allez, on y retourne. Allô ? Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre femme avait des gros seins, monsieur. Et ouais, la mienne elle en a, elle est pas chère, comment elle va? Bah elle va bien, merci. Mais ça n'a pas de rapport, monsieur. Ah bon? Bah non. Non, mais par contre, en fait, si votre femme a des gros seins, du coup, vous êtes un abruti. Ouais, mais toi, ça fait un moment que tu es un abruti, mon pote. Bah pourtant, je n'ai pas de femme et des gros seins. Mais c'est pas moi qui le dis, hein, monsieur. C'est des chercheurs qui ont fait une étude et ils ont montré que les hommes étaient abrutis par les gros seins. Ouais. Bah oui. Mais si tu le dis, c'est... Mais tu es quelqu'un d'intelligent quand même, hein, il me semble. Bah je vous remercie, monsieur. Ouais, mais tu sais quoi? Le mieux pour toi. Oui. C'est que je ne sache pas qui tu es. Ah, je m'appelle Toff, monsieur. Ouais, ben moi je m'appelle Taf et je prends plus fort. Ah ben oui. Mmh. Oui, bon bah oui, enfin je suis assez déçu quand même, monsieur. Ouais, ouais, mais c'est sûr qu'il n'y a pas que toi qui es déçu, même ta femme doit être déçue avec un diplôme, toi. Bah en même temps j'en ai pas, monsieur, donc ça arrange les choses. Ah, j'en ai pas. Non. Alors, qu'est-ce que tu peux... Alors, ben justement, alors voilà, ben, ça veut dire que tu as eu un manqueur et un bidon. Ah d'accord. Un rigolo. D'accord. Tu dois avoir un curly dans ton pantalon. Oui, ça c'est vrai aussi, monsieur, mais ça l'un n'empêche pas l'autre, hein, monsieur. Le mieux c'est que tu viennes. Oui. Le mieux c'est que tu viennes me voir et si tu veux, tu n'as pas besoin de m'appeler. Tu viens me voir, je t'ai dit où j'habite. Oui. Parce que toi tu dois être un pinceau, d'après moi. Tu dois être un gaulois. Ah oui, moi j'habite à Paris, monsieur. Un gaulois. Ah oui, mais tu es un gaulois, c'est ça, c'est bien ce que je dis. Oui, oui. Moi je... Ouais, ben c'est bien ce que je viens de te dire, tu es un gaulois. Oui, oui. Moi je. Enfin, vous voyez, moi j'étais content de vous appeler, monsieur. Ah oui, mais moi aussi, je suis content que tu m'appelles. Ça, c'est le cas de le dire. Hein. Ah bah voilà, vous voyez, monsieur. Non, comme ça, on est contents tous les deux. Ah ouais, mais moi, je suis content, mais toi, tu es content quand? Eh, con. D'accord. Le problème, il est là, voilà. D'accord. Bon, je te souhaite une bonne soirée. Bah, moi aussi, monsieur. Et évite de rappeler. D'accord. Merci. J'aime bien le gaulois. T'as l'impression de chez Astérix. Ouais, c'est ça. Oh, toi, t'es un gaulois. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est un corse, il voulait tuer Toff. Mais pour une fois, il a pas envie de tuer Toff, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, j'ai gagné ça. Il y a de l'effort quand même. Oui, c'est bon, vrai. On va reprendre des nouvelles de Fanny, l'esthéticienne qui est en train de faire une French manucure à Toff. Comment ça va, Fanny, alors du coup Ça va super bien. Ouais. Je trouve que c'est très mignon et finalement, ça ne va pas si mal. Ah. Enfin, oui, mais par rapport à sa gueule de merde, ça va, c'est positif. Mais je veux dire, dans l'absolu, vu que c'est ta première French manucure pour un mec. Bah je le vis bien. De lui. Écoute, tant mieux. Si elle ne voyait que mes doigts, elle me trouverait même beau gosse. Ouais, mais... Je sais pas. Ah, tu vois, même les doigts sont moches, c'est pour te dire. Bon, on mettra les photos de Snoop Dogg et de Toff et vous ferez votre choix. Hein. Ouais, mais c'est pas le même level. Ah oui, mais peu importe. C'est pas le même level, mais peu importe. Mais oui, alors... Tiens, il y a Brother sur le Twitter qui dit « Quand ma femme me dit qu'elle n'a pas envie, je lui dis que je vais aller me palucher et elle réplique aussitôt. » Ouais, je comprends pas ce que les filles ont comme problème avec ça. C'est pas le même plaisir, c'est pas comme si on... Tu vois, le fait qu'on... si un mec regarde un film de boule ou se branle, c'est pas le même plaisir, c'est pas de la tromperie, quoi. Message aussi au bahut, il y avait un escalier. Ah oui, ça c'est par rapport aux accidents cons. Un escalier en colimaçon, j'ai glissé du haut, je me suis coincé le pied dans le barreau, j'ai volé, je suis tombé de 3 mètres, cheville foulée, un mois dans le plâtre, pas mal. Sophie aussi qui dit, moi j'ai fait un soleil avec mon vélo, j'ai atterri dans le ravin. Ah oui, ça c'est quand on sait pas faire, Sophie. Et puis, salut, dans le genre accident con, vers 12 ans, j'ai voulu donner un coup de pied à mon frère, il s'est barré au dernier moment et je donne un coup de pied dans le mur à la place. Résultat, je me suis cassé un orteil, trop la honte. Ah ouais, surtout quand t'es rageux et que t'as envie de faire mal à quelqu'un et qu'en fait tu tapes à côté, quoi. Là c'est vraiment la honte. En parlant d'accident con, on a Pierre avec nous maintenant de Toulouse. Salut Pierre. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Eh oui, écoute, ça va bien, on est à la cool comme on dit, Eh ben tant mieux, à la cool alors Pierre. Bon, en même temps, Toulouse, on est toujours à la cool, hein. Ouais, on est toujours à la cool. D'ailleurs, on t'attend, hein, on vous attend. Eh ben écoute, on va pas tarder à passer, normalement on passe au mois de mai à Toulouse. Et vous passez chez un auditeur ou vous passez au studio? Eh ben non, on passera faire une ou deux soirées déjà dans la région. Et puis, normalement on fera l'émission, mais je sais pas encore où exactement, mais on verra chiller. Pourquoi tu veux nous accueillir? Moi mon salon il serait prêt à vous accueillir, oui, y a pas de soucis. Ouais. Pourquoi cette hésitation? Parce que ton salon est prêt mais toi pas alors. Il va nous assassiner. En fait quand je vois le bordel que fout Toff à chaque fois dans les cuisines et Je peux pas te laisser dire ça, la première fois il a juste cassé deux assiettes, c'est tout. Ouais, mais par contre c'est vrai qu'il a tendance à foutre le bordel quand il cuisine. Rassure-toi, quand on a été chez Mathieu, c'était à Grenoble dimanche, c'est Polo qui a fait la cuisine et comme c'est un enculé, il a été acheter des espèces de burgers dégueulasses chez Casino qu'il a mis au micro-ondes, donc il a pas non plus foutu un gros bordel. Je suis pas un enculé, c'est je ne sais pas cuisiner et Toff a adoré ma cuisine. C'était très bon. Et la prochaine fois, c'est ça. Et la prochaine fois qu'on se déplace, c'est normalement moi qui vais devoir faire le dîner presque parfait, donc on verra quoi, on verra. Il y a même une terrasse comme ça, on pourra laisser Toff dehors. Cool. Ah ben voilà. Si tu nous prends par les sentiments, on a plus tendance à arriver chez toi du coup, Pierre. Effectivement. Ouais. Bon, en fait, très bon plan. J'habite à 5 minutes du centre-ville, donc. Oh bah super. Et quoi, t'es chez tes parents? Ouais, je suis chez ma mère. Ouais. Ma mère écoute son radio. Elle a 54 ans, mais elle en a 20 dans sa tête, donc. D'accord. Ok, très bien. Bon bah écoute, pourquoi pas, Pierre. Ça peut être un bon plan. Ça, on va voir. Et bon, en tout cas, merci pour l'invitation. Bon, on parlait des accidents cons, Pierre. Alors, moi vraiment, je pense que c'est peut-être l'accident le plus con que je connaisse, c'est que j'allais au travail en fait, je suis en terminale et j'allais au travail, je travaillais à McDo, c'était il y a 2 semaines, mm-hmm. Et donc il était 11h30 du matin, je commençais à midi et là je descends un trottoir, mon pied se pose pas bien et crac, entorse grave de la cheville, non. Je suis encore en plâtre. Oh putain. Tout ça en descendant. Et ça s'arrête quand? Eh bien, je sais pas, parce que je devais en avoir que pour 8 jours. Vendredi dernier, je suis retourné chez le médecin. Il m'a dit, il a vu l'état de mon pied. Mon pied était juste énorme, tout bleu, tout bien dégueulasse. Et il a dit, ah non, le garde 2 semaines de plus. Putain, content. Et d'intérêt, si on vient au mois de mai, d'être tout clean, hein, pas de plâtre, tout le bordel. T'inquiète pas, y'a pas de soucis. On sait jamais, là. Bon, bah très bien. Eh ben merci pour l'anecdote, Pierre. Et puis, bah rencard peut-être au mois de mai chez toi, alors. Il n'y a pas de soucis. Super, soucis. Cool. Est-ce que je pourrais avoir un pack fun? Oui, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, sans problème. Et est-ce que je peux juste faire un petit coucou à quelqu'un? Bah allez, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Hein. C'est Antoine, j'espère encore qu'il m'écoute, parce qu'on a attendu un petit bout de temps, donc je sais pas s'il s'est endormi entre temps. Mais non, il s'est pas endormi, c'est un rebelle, non? Ouais, ça rebelle. Ouais, mon cul. Ouais. Bon, salut Pierre, merci d'avoir appelé en tout cas. Salut. Allez, ciao. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, il est minuit 52 sur Fun Radio. On est en direct. On va reparler avec tout le monde dans quelques minutes. Là, restez là. Ceux qui sont dans le standard, on écoute Afrojack maintenant sur Fun Radio. I'm clumsy. Le son d'Afrojack sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et Toff, il nous a fait sa petite French manucure. Mais oui, mais je me trouve hyper beau gosse. J'irai pas jusque là. Mais des mains seulement. Ouais, c'est bah alors plutôt que des mains alors. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Fanny, du coup, là, t'es terminée. Donc Fanny qui est esthéticienne à Paris et qui est venue donc faire une French puisque Snoop Dogg ou Snoop Lion, enfin vous appelez ça comme vous voulez, a décidé. En fait, est-ce qu'il évolue comme Apple? Parce que Snoop Dogg, Snoop Lion, il va s'appeler Snoop Mavericks bientôt aussi. Peut-être faut lui poser la question. Ah d'accord. Oh, la vanne okay. De geek. J'essaierai. Non, pour ceux qui connaissent pas, c'est le système d'exploitation chez Apple. Voilà. C'est un peu comme Windows 95, 98, etc. Et donc l'évolution chez Apple, c'est Léopard. Et Léopard, tout ce bordel. En fait, c'est des noms d'animaux, quoi. Et donc, du coup, voilà, c'était une petite vanne comme ça, vite fait. Bon, alors, du coup, Fanny, donc, qu'est-ce que t'en as pensé de cette première manucure, enfin, cette première French chez un homme? Bah moi je trouve ça pas mal du tout, je pense que je mérite le pourboire de Snoop. Hein. Ah ouais mais t'inquiète, et Toff il va te rincer là. Il faut qu'on en parle. Mais oui mais Toff il va rincer là, oh là là, tu le connais pas, il a la main dans le portefeuille tout le temps. Hein. Ça se voit. Voilà, mais pour pas sortir. Complètement. Voilà c'est ça. Ouais. Bon et donc du coup, aucun mec t'a jamais demandé ça? Non jamais, j'ai eu des... Attends parle plus près du micro, on t'entend mal. Mais j'ai jamais eu de... Ah comme quoi, qu'est-ce que t'as déjà eu comme demande bizarre? Ouh plein de trucs. Ah vas-y. Tu veux qu'on en parle? Oui certains. Épilation, maillot, etc. On m'a demandé d'attacher le sexe avec un demi-bas pour empêcher l'érection, enfin bon, des trucs extraordinaires. Un demi-bas. Attends. La French, jamais. Voilà. Attends, c'est-à-dire que le mec t'a appelé pour te demander d'attacher sa bite? Oui. Pour pas que ça... Pour pas qu'il... Pas mais pourquoi? Et pour pas qu'il y ait d'éjaculation. Parce que je suis pas actrice porno, je suis esthéticienne. Non, mais pourquoi quand il lui a demandé de lui épiler le maillot? Ouais, il m'a demandé d'épiler le maillot et pour éviter l'érection ou... Attends, parle dans le micro. Que je l'attache avec le bas pour éviter une éventuelle érection ou éjaculation. Mais voilà. C'était Toff. Je crois. Ah d'accord, ok. Non, oui, parce que si tu l'as... Mais bon, j'ai pas le balance. Non, mais quand pas tu... mon pourboire sinon. Non, mais, oui, bah, ça, c'est... mais quand tu le vois une fois, tu t'oublies pas sa tête. Ouais, puis... ah, une tête de con comme celle-là. Moi, j'en aurais rien eu à foutre. Hein. Ah oui, oui. Moi, j'aurais balancé la purée. Voilà, Ah, oh, merci. Tellement classe. Merci pour cette. Gaulois. Ouais, ah, bah lui, pour le coup, effectivement, ouais. Bon, et donc, du coup, tu bosses sur Paris, mais tu bosses à ton compte ? Oui, je travaille à mon compte. Je suis maquilleuse et esthéticienne. À domicile, Paris, région Île-de-France. D'accord. Bon bah si jamais, voilà. On va pas donner ton numéro, mais si jamais ça vous intéresse d'avoir une petite séance, comment on appelle ça, séance ou c'est quoi ? Un rendez-vous, voilà, si vous voulez un rendez-vous. Hey, attends, tu peux avoir un rendez-vous si tu veux là. J'ai trouvé comment avoir des rendez-vous maintenant. Hey, t'essayes, hein, n'hésite pas. T'as pas un site internet ou un Facebook aussi, non ? Alors j'ai pas de Facebook, mais j'ai un Instagram. D'accord, bah vas-y. C'est Fanny Bradshaw comme Carrie Bradshaw, mais avec Fanny devant. D'accord. F-A-2-N-Y, okay. Bradshaw. Très bien, tout parfait. Attaché, donc voilà. Fanny avec un Y. Tu et puis Bradshaw attaché si vous voulez éventuellement faire une petite séance, enfin un petit rendez-vous. Et pareil sur Facebook, bon c'est pas mon Facebook pro, mais c'est mon Facebook perso pour plus de renseignements. Non, bah, la note est déjà. Oh là là, t'inquiète pas, il va arriver, il va te demander un ami tout à l'heure. Tu pourrais lui donner des conseils de maquillage pour qu'il parce que regarde cette vilaine peau. Tu vois comment c'est laid, il craquait, on dirait qu'il a la lèpre. Non, mais cette lèpre là en dessous de l'œil. Il faut boire beaucoup d'eau pour ça, on peut rien faire d'autre. Ah, mais il aime pas l'eau. Hydratation, faut boire pas d'eau. Je bois un litre, non. Un litre et demi par jour. Ouais, mais d'eau pétillante. C'est pas pareil. Oui. C'est pas la même chose. Enfin, c'est quoi la différence ? Bah, c'est pétillant. Non, c'est de l'eau plate, c'est pas les mêmes choses qu'un. Bah oui. Voilà, dans ta gueule. C'est pour c'est ça que t'as la lèpre. L'eau plate. Mais c'est super bon, regarde. Hop là, moi j'ai ma petite bouteille, hein, je la finis pour l'émission. Ah non, c'est mais horrible. C'est ça la vie. Non, mais des petits conseils de crème ou je sais pas, un truc, un filtre, un truc pour nettoyer non, mais cette merde. À part demander à sa mère et son père de refaire un autre. Regarde-moi cette merde. Non, mais c'est dégueulasse. Regarde-moi cette mauvaise peau. Elle, la pauvre. Oh là, elle se regarde de désespoir. Elle ose rien dire, la pauvre. Elle se dit putain, je vais bah pas oui, le dire. Bah oui, boire de l'eau et puis bah hydrater avec des crèmes hydratantes autour des yeux. Et tu peux lui dire, parce que ça fait 10 ans que je le connais, ça fait 10 ans que je lui dis qu'il se lave le visage une fois de temps oui, en temps. Il faut se laver le visage tous les jours. Ah merde, faut faire ça. Ah ouais, c'est ça. Ah merde. Bon, merde. Bon ben, merci beaucoup, Fanny Bradshaw. C'est bien, ça fait très American. Yes. Funny Bradshaw. Oh, yeah. Merci à vous, en voilà. Tout cas. Voilà, bah, merci à toi surtout pour la manucure. Et puis Toff, il va être content. Demande un rendez-vous à midi et demi, une réunion à la radio. Il va venir avec sa petite French. Je serai hyper beau gosse. J'irai pas jusque là, mais tu vas. Heureux. Ah, le sous-chef va être content. Ah, ça, bah, c'est clair. J'irai immédiatement le voir. D'accord, très bien. Je passerai la main sur le visage pour qu'il voit ça bien. Ça va être beau, ça va être beau, ça va être magnifique. Déjà que tu réponds pas à ses textos. Ah oui, merde, putain, j'ai pas regardé. Bon, allez, merci beaucoup, Fanny, en tout cas. Gros bisous. Salut. Et puis il y a Guillaume aussi qui dit je voulais devenir pilote de chasse mais je ne peux pas, donc ce sera conducteur d'engin de TP et chauffeur poids lourd. Ah oui, c'est pas du tout la même chose, Guillaume. William qui dit je voulais être responsable de magasin moi, et Dylan également, moi Mickaël, je veux devenir boulanger pâtissier pour vous apporter des gâteaux. Ah bah voilà une bonne idée, tiens, ça me paraît pas mal. Il y a Tibbs également, moi je tape dans une station essence sur l'autoroute la nuit, c'est à chier mais c'est bien payé pour mater des films et vous écouter. Sinon je voulais être pilote de chasse mais je suis nul en maths et en anglais, c'est pas mieux. Donc voilà. Et là je vais être gendarme. Ah ouais, je savais pas que ça gagnait bien d'être station service la nuit. Enfin ouais, t'arrives de nuit j'imagine. Ouais c'est ça, t'arrives de nuit et puis bon au final si t'es dans une station pépère où il y a pas trop de monde, tu ou alors c'est les stations que je supporte pas. Bon après je sais qu'il y a des endroits un peu chauds, mais tu sais les stations où tu vois le mec à l'intérieur et tu sais il est là juste pour payer derrière une grosse vitre de bordel et tu dis je peux rentrer pour aller chercher un truc à manger, c'est fermé. Comment ça c'est fermé, t'es dedans, c'est quoi ton problème? Non, c'est fermé, on ouvre à 6h. Ouais. Mais si je prends l'essence, je peux te payer à toi? Oui. Et si je veux un paquet de chips, je peux pas. Non, c'est fermé. Oh putain, je déteste ça. Même si je sais voilà qu'ils se laissent fermer parce qu'ils ont peur de se faire braquer, je comprends. Ouais. Mais je sais pas, qu'au moins le mec se dise, bon bah ok, tu veux quoi, je vais te le chercher, tiens, je te le donne. Ouais. Voilà, tout simplement. Donc ça, ce serait bien. Let's be free, qu'il dit, j'aurais aimé être médecin urgentiste. Mais c'est vrai que médecin légiste, ça aurait pu me tenter aussi. Et puis Nicolas qui dit, accident plus con que j'ai fait. Du vélo, quand la neige tombait, ça avait recouvert la voie de tram où je circulais pour pas être en danger. Sauf que bah il y a des rails en triangle sur la voie, un pneu a suivi le triangle, bilan, soleil avec le vélo. Oh merde, ça ce sont des choses qui arrivent, c'est effectivement la faute à pas de chance. Christophe qui est de retour avec nous de Paris pour parler des métiers à faire éventuellement et qui va couper sa radio. Christophe ? Oui, allô ? Oui, ça va Christophe ? Ça y est, c'est coupé. Bon, nickel. Salut Christophe. Alors toi, on parlait de ça au début de l'émission là, qu'est-ce que tu voudrais ou aurais voulu faire comme taf ? Eh bien, écoute, moi je voudrais policier. Policier, ouais, pourquoi ? Mais parce que j'adore l'action, j'adore tout ça. Mais j'ai un petit truc qui m'inquiète. C'est que je suis vachement attiré par les mecs et j'ai peur de me faire attraper. Quoi ? J'ai pas compris. J'ai pas compris non plus, non. Je vais t'expliquer. Bah explique-moi. Ouais, j'ai envie de devenir policier, c'est un truc que je veux faire depuis petit, tu vois. Jusque-là, tout va bien, c'est pas grave. Jusqu'à là, tout va bien, voilà, tu me suis. Mais le truc, c'est que je suis vachement attiré par les mecs, c'est un boulot de mec, et j'ai peur de me faire attraper, tu vois. J'ai peur qu'ils sachent que je suis attiré par les mecs. Parce que et alors ? Mais tu sais qu'il y a des policiers... Même, non, mais y a... attends, il y a des policiers qui sont gays, c'est quoi le problème ? Bah non, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Je dis, il y a des policiers qui sont gays, c'est quoi le problème ? Bah ouais, écoute, des policiers qui sont gays, moi j'en connais pas tellement. Mais parce qu'ils te le disent pas. Non mais après, attends, t'es pas obligé de dire les choses. Moi je vois bien le policier, bonjour monsieur, je suis gay, présentez-moi vos papiers. Non mais tu vois. Ceci n'est pas une matraque, c'est mon sexe. Ouais c'est ça, ils vont pas... Tu sais moi je me suis fait arrêter par les flics hier avec Polo, le mec, je sais pas s'il était gay ou pas gay, je m'en fous. On va avoir des problèmes. Ouais, mais moi, ça m'inquiète. Et c'est ça que je voulais parler, la matraque, tout ça. J'aime bien, mais tu voudrais en faire mon métier, quoi. Il faudrait pas qu'on m'attrape. Non mais n'importe quoi mec hein. Mais alors, non, hein. C'est pas n'importe quoi, tu me comprends pas. Mais si, je comprends très bien, mais c'est ça n'a pas de sens. Mais écoute, moi j'étais cadet de la République, j'ai fait ça 6 mois, et bon au début tout allait bien, on faisait du sport, tout ça, et je traînais vachement dans les douches, et je me suis aperçu que j'étais bien, quoi, j'étais bien dans les douches. Et pourquoi tu fais pas de rugby ? Là, je vais en faire mon métier, et j'ai peur de me faire détroncher, quoi, comme ils disent. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ouais, je crois que tu mélanges tout. Mais non, c'est un peu comme si tu dis, bah tiens, moi j'ai envie de tenir une boîte de nuit, mais je vais pas le faire parce que j'ai peur de baiser toutes les meufs qui passent. Bah comment ça, pourquoi faire, enfin, tu vois. Ouais mais tu te rends compte, dans ce boulot, dans ce milieu de mec, si je savais que il y a beaucoup de meufs, mais ça le ferait pas, quoi. Mais t'as qu'à trouver d'autres fantasmes, j'en sais rien moi. Mais c'est pas mon fantasme, c'est mon boulot, je voudrais le faire, quoi. Mais oui, mais tu parles de matraque, quoi. Comme si la matraque t'es obligé de te la mettre dans le fion. J'aimerais bien. Mais non, mais c'est pas obligatoire, c'est comme si moi j'avais un micro devant moi, si j'étais gay, je lui dis, ah, j'ai pas fait de la radio parce que j'ai le micro, j'ai peur de me le mettre dans le cul. Mais non. Mais tu vois. Non mais c'est vrai, t'imagines pendant une manif, oh, mettez-moi la matraque dans le cul. Ah oh, oui, plus vite. Et si tu te mettrais le micro dans le cul, tu pourrais chanter une chanson. Ouais, je pourrais, ouais. Non, non, mais sérieux, je comprends pas le... Non, mais si t'as envie d'être flic, deviens flic, et puis voilà. Mais oui, puis tu t'es là pour travailler, t'es pas là pour avoir des relations sexuelles avec tous tes collègues, quoi. Mais non, mais je veux pas de relations sexuelles, je veux pas qu'ils sachent que je suis attiré par les mecs. Mais leur dis pas. Mais t'es pas obligé de leur dire. Je veux du mouvement. Ah, tu veux être de la... Ah oui, c'est la bague, carrément. Bah oui. Bah voilà, mais t'es pas obligé de le dire. C'est pas parce que le soir à la maison tu te fais prendre les fesses que tu dois le dire à tout le monde la journée. Surtout à la bac. Bah oui, et puis après une fois que tu connaîtras les gens, bah pourquoi pas. Mais au début, te prends pas la tête pour ça, dis donc, ça n'a à foutre. Et puis ça regarde personne, t'es là pour travailler, t'es là pour faire des arrestations, courser les gangsters, les voyous, ouais. Donc t'es pas obligé de leur dire, hey les gars, je suis gay, wouh. Ouais, mais ça va se voir parce que je suis un peu efféminé, donc c'est ce qui me prend la tête depuis petit. Alors j'ai la solution. Je me bats avec moi-même, j'ai fait du théâtre. Bon, non, moi j'ai une idée, rentre dans les village people. Voilà, non, moi j'ai une idée, ne fais pas policier. Bon, d'accord, bah écoute, je vais pas le faire. Si tu dis que ça va pas, que t'es efféminé et que tu veux pas que les gens le sachent, bah forcément là les mecs vont le savoir. C'est un cœur, c'est un truc que je veux faire depuis. Bah sinon, je me bats avec moi-même et Sinon tu peux faire videur au dépôt, c'est pas mal aussi. C'est une boîte gay à Paris. Ah ouais, super. Ouais, génial. Ah ouais, c'est ça. Oui, videur là-bas, ouais, tu peux faire ça. Attends, parce qu'il y a aussi Thomas qui est avec nous là. Salut Thomas. Salut Mika, salut l'équipe. Comment ça va ? Salut la mollesse. Bien et toi ? Bon, ça va bien. T'appelles du 84 toi, et toi tu voudrais faire quoi comme taf ? Ben moi en fait je voudrais être saisonnier, tu vois. Saisonnier, ouais c'est sympa hein, saisonnier. C'est quel saisonnier ? Printemps, été, automne ou hiver tu veux faire ? Justement, tu fais saisonnier, saisonnier en été, t'es pépère à la plage, Club Med ou je sais pas quoi, et puis en hiver à la montagne, t'es cool. Ouais non, enfin, saisonnier moi si tu veux, je suis passionné de ride, j'adore. Et du wake, donc l'hiver, ouais, du wakeboard, je sais pas si tu connais. Oui, c'est tracté par un bateau, j'en fais. Mickaël est un professionnel, ouais, j'irai pas jusque professionnel, mais oui, j'aime bien. J'en fais pas par bateau, moi j'en fais par câble, en câble. Oh, c'est facile en câble. Ouais, c'est cool, c'est cool. Bah oui, t'as pas la vague et tout, c'est plus simple. Ouais, mais bon, nous on prend les kicks et tout, enfin c'est marrant. Et... bah bon, après, c'est plus enfin, après, tu peux te permettre de faire des petites figures, quoi. Ce qui est plus compliqué à faire en bateau, parce que du coup, t'as la vague qui t'arrive en pleine gueule, et c'est plus chaud. Bon, enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de wakeboard. Et donc, du coup, donc, toi, tu t'aimes bien le wake, t'aimes bien quoi, tu m'as dit? Le snowboard, et j'aimerais en fait, bah, tout simplement, entre guillemets, être prof de snow l'hiver et prof de wake l'été, quoi. Ouais, bah voilà, voilà, mais ça peut être bien, mais c'est gérable. Ah ouais, c'est cool, mais bon... Bah, prof de snow, déjà, la prochaine fois, on prend avec nous, comme ça, tu pourras montrer à Polo et à me donner quelques conseils également pour faire un peu de snow. Et puis, on pourra foutre Toff sur le côté, tu sais, hop, là, le balancer de la montagne. Ouais. ça peut être un très bon plan, ça, vraiment véridique. Non, mais écoute, ouais, c'est totalement faisable. Hein. Bah, après, évidemment, le problème, c'est que, est-ce que t'as en toi le fait de donner cours? Ben c'est ça, parce que non mais tu vois, parce que moi par exemple je suis pas très bon là dedans je peux comme ça donner quelques explications pour des trucs, mais je n'ai pas l'âme d'un prof. Il faut être pédagogue. Ouais, je suis pas pédagogue du douille en fait. Voilà, c'est pas le tout d'être un bon snowboarder, c'est d'être un bon pédagogue, de bien expliquer. Il y a des gens qui savent faire et d'autres qui savent pas. Parce que nous on a un photographe par exemple qui est un très bon snowboarder, mais qui n'est pas du tout pédagogue. Bah ici ça va, parce ça dépend des moments, mais si tu veux, c'est-à-dire qu'il y a un moment, bah, toi quand tu sais en faire, tu vas là. C'est-à-dire que. Donc bon moi maintenant c'est bon, ça fait 3 ans que je fais du snow, donc je me débrouille. Polo il en avait jamais fait, donc bah il démarre à la base. Sauf que notre photographe directement c'est allez viens on y va. Et en fait. Dès le début, pour lui, bah après 5 minutes d'explication, t'es censé faire comme lui, hop là, dévaler la montagne, y aller, faire du freiner, sauter, revenir, aller à gauche, à droite, tout le bordel. Mais c'est pas possible. Et donc évidemment, ça, il faut pouvoir le savoir et pouvoir l'expliquer aux autres. Mais bon, après, si tu sais le faire, tant mieux. Et après, ça s'apprend aussi, cela dit. Mais t'as déjà essayé de t'inscrire dans des clubs comme ça, non? Ben non, mais là, en fait, je me suis inscrit, si tu veux, sur une formation de juge national en wake, déjà, pour être juge, mais juge, c'est pas rémunéré, en fait, si tu veux. D'accord. C'est du bénévolat. Et après, ouais, je vais essayer de m'inscrire, mais le problème, c'est que j'ai 16 ans et que mes parents, ils sont pas très d'accord, tu vois. Donc... Ah ouais, non, mais attends, oui, mais je crois que t'avais 19. Bah oui, mais 16 ans, c'est rien, bah t'attendras un petit peu, et puis ça va se faire, hein. Ouais, c'est sûr. Bah ouais, oui, tu vas attendre. Tu m'étonnes que tes parents ils veulent pas. Mais t'as pas envie de faire un vrai métier. Mais oui, bah je veux faire saisonnier, papa, maman. Oui, oui, c'est ça. Oui. T'as pas envie de faire banquier comme tout le monde. Je de bouffon. Va nettoyer ta chambre. Mais oui, c'est clair. Ils font quoi tes vieux comme taf? Ouais, ma mère elle est dans une mairie. Mon beau-père il a la retraite. Ah ouais. Et voilà. Bah oui, mais si elle est à la mairie, tu penses bien qu'elle a pas envie que tu fasses sale gamin qui va péter toutes les meufs en train de faire du snow et du wake. Avec la gueule brûlée par le soleil. surtout que ma mère, elle sait que je me barre souvent pour faire des compètes, des trucs comme ça, et qu'on fait que chier, on fait que aller en boîte, enfin bon, bah tu sais. Allez, mets-toi à sa place, c'est normal. C'est normal. Elle surveille son petit enfant. Ouais, et puis tu sais, elle a vu quand c'est sorti, les bronzés font du ski, donc tu sais, elle voit le Popeye, tu sais ce qu'il fait en fait, ce mec il baisse toutes les meufs, et il en a rien à foutre, bah, je pense qu'elle a pas envie que tu termines comme ça, maintenant après, le Popeye c'est Thierry Lhermitte, hein, pour ceux qui n'ont pas vu les films. Vaut mieux être Popeye que Duss. Ah, ça c'est, n'est-ce pas Toff? C'est vrai. Parce que Toff était sur les téléskis à Canteur, verrai-je. C'était comme ça. Bon bah écoute, merci Thomas, merci Christophe d'avoir appelé Fun. Vous revenez quand vous voulez tous les deux. Hein. Ok, ça marche. Salut. Mais tiens, je peux avoir un petit peu avec Fun. Ouais, tu vas gérer ça avec Sandro. Je te le repasse maintenant là, Thomas. Salut, ciao. Allez, à bientôt. On aura Marine dans quelques minutes. On va se faire le karaopé aussi. On est bien à la bourre là. Et Coralie qui voulait réagir par rapport aux accidents. On fait ça dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis on va se faire maintenant le son, un son découvert dans Party Fun. Eh oui, c'est tous les week-ends sur Fun Radio, Party Fun notamment, et Quentin Moziman le samedi soir. Eh oui, Martin Garrix qu'on écoute maintenant. C'est Proxy sur Fun. Si Michael et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Michael nous limite. En 2014, ils sont en liberté. Michael. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, on est en direct sur Fun Radio, il est 1h15 là. Il y a Sébastien qui dit coucou, je suis chauffeur routier. Et je voudrais être sage-femme depuis que j'ai mis ma fille au monde. Mais on peut être sage-femme homme? Bah oui, sage homme alors. Mais non, ça se fait pas. On est sage homme. Qui respecte le travail des femmes. Accoucheur quand même. Quoi. Bon, il y a mon cœur est triste qui dit bonsoir, j'aurais aimé être stripteaseuse avec une barre de pole dance et tout, mais ça, régime. Je peux t'aider, ça. Ouais, bah il est aussi. Et Mélanie qui dit voilà une anecdote d'un accident con qui m'est arrivé. Je me suis brûlé les deux mains avec du caramel bouillant. Caramel fait maison. Brûlé au troisième degré, pas mal. Ah oui, ouais, ouais, ouais, ça effectivement. Et Adeline aussi qui dit il ne faut pas qu'il s'arrête. Il faut pas qu'il s'arrête sur ce type de préjugé. Il vit pour lui et non pour les autres. Je me suis d'accord aussi effectivement. Bon, avant de faire, avant de récupérer Coralie, avant de récupérer Christophe, avant de récupérer également Sébastien et Marine, nous allons faire le karaopé. Il était temps. Karaopé maintenant avec Aymeric d'un côté, Florian de l'autre, du côté garçon. Salut Aymeric, salut Florian. Salut. Comment ça va? Bien et toi? Très très bien. De l'autre côté, il y a les double A, Aurélie et Anaïs. Bonjour. Comment ça va les filles? Ça va. Très bien. Vous connaissez le principe du karaopé tout le monde là? Oui. Bon, le principe est simple. Je vais vous faire passer un extrait de musique version paix. Par exemple, la semaine dernière, je vous avais passé le son de Beyoncé qui était comme ça. Et il fallait évidemment découvrir que c'était Beyoncé, hein. Faut connaître. Ah ben c'est le but, c'est totalement c'est le but. Évident. Ah c'est pas évident Florian, mais c'est le but justement. Bon alors attention, vous allez jouer entre équipes, Aymeric et Florian côté garçon, Aurélie et Anaïs côté fille. Je vais vous passer des extraits de musique maintenant. Attention, avant de donner la bonne réponse, il faut donner son prénom, d'accord? D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui. Exemple, si Anaïs pense avoir la bonne réponse et qu'elle donne le titre ou le nom du groupe sans dire Anaïs, je ne validerai pas le point. À ce moment-là, oui, l'intelligence des mecs fera qu'ils vont peut-être donner leur prénom et la réponse si jamais ce n'est pas le cas. D'accord ? Et on a le droit à autant de réponses qu'on veut ou c'est limité ? Bah, c'est une chacun à son tour, quoi. Mais si tu penses avoir la bonne réponse, bah tu peux y aller, quoi. D'accord ? Qui a cette voix-là ? C'est Anaïs ? C'est Florian. C'est un doux. T'es un doux ? Voilà. Bon, vous êtes prêts ? Ouais. Allez, premier extrait, on y va. Oh, c'est fort ça, j'ai fait. Ouais Aurélie. Pirates des Caraïbes. C'est quoi? Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes. Ah ouais, allez, c'est bon ouais. C'est Black Pearl avec Rebelle, mais effectivement c'est avec la musique des Pirates des Caraïbes, ouais. C'est le bateau le Black Pearl. Oh la famille histoire, tiens, je vais peut-être la mettre tout à l'heure, tiens. Bon allez, ok, d'accord, très bien. Un point pour les filles, bravo à toi Aurélie. C'est Aurélie hein, qui avait trouvé, ouais. Deuxième extrait, on y va. Oui. Allez Flo. Michel. Oui, il l'a pas fait. Oh oui, Aymeric. Tu vois la passer ce soir ou pas? Comment? Tu vois la passer ce soir? Ouais, mais c'est pas grave, Aymeric. Hein. Te suicide pas, Eric. C'est pas grave, Aymeric. On t'aime. Tu pourrais la mettre ou pas? Mais oui, oui, je pourrais la mettre, oui, bien sûr. Merci. Pas de problème, avec plaisir. Donc alors on va mettre Black Pearl et on va mettre DB Sound, tiens, très bien. Bon, extrait suivant, alors attention, un partout, c'est bien, j'aime bien quand ça joue comme ça, en plus vous êtes bons ce soir, on y va. Alors ça c'est vieux hein. Il y a de la guitare dedans, mais je sais plus c'est quoi. De la guitare? Il y a pas de la guitare. Hein. Oui, non, mais dans la vraie chanson. Non, mais même dans la vraie chanson, il y a pas de guitare. Il est doux, hein. Qu'est-ce qu'il est doux? Non, non, il y a pas tu de. Sais pas. Non, tu sais pas. Bon, je vous le remets, alors écoutez bien. Ça date des années 2000-2001. Bon, Florian, t'es pas né? Juste. Justement, mais aussi. Florian, pas d'idée? Non, non. Non, je peux vous donner un indice. Le nom du groupe, c'est une tour à Paris. Tour à Paris. Ah, moi j'ai trouvé. Et le titre, c'est comme les Schtroumpfs. Un gagnant. Voyez pas? Non. Ouais, je vous ai donné quasiment la réponse là. Bon, tant pis, c'était FL65 avec Blue. Ah bah ouais. Bah vous connaissiez pas? Ah si, mais bon. Ah bah oui, mais bon, alors justement, bon, c'est pas grave. Je peux avoir la version du paix. La version du paix, oui, bien sûr. Alors attends, je remets celle-là. Et la version du paix, c'est celle-là. C'est toujours la version, quand t'entends la version G, ouais. Après tu dis ah mais oui bien, évidemment. Bon, extrait suivant, alors attends, écoutez bien, vous êtes prêts? Oui. Toujours un partout, oui. On y va. Ah. Oh putain, ça c'est trash hein. Ça c'est très trash. Ah, le chanteur est mort depuis 1980. Oh, 1980, je sais pas qui c'est. Je crois. Moi non plus. Tu vois pas qui c'est? Il est jamaïcain, enfin il était. Jamaïcain. Ah. Aurélie, Aurélie. Marley. Marley. Ah oui, je savais. Oh. Oh. No woman, no cry. Ah, ça, c'est ah une oui, chanson... mais je la connais par cœur. Ah bah oui, mais bon, bah visiblement pas. Ça, c'est une chanson que je vais mettre quand il va faire 40 degrés là. Tu sais, on va être bien, barbecue. On va faire un barbecue sur la terrasse là derrière la vitre. Ah, on va se mettre bien. Ah, j'annonce, hein. Quand, dès qu'il fait beau, machin, dès qu'on est en mode barbecue, on fait l'émission dehors. Hein. Ah ouais. Non, mais je préfère prévenir tout le monde. Bon, eh bah, ça nous fait 2 pour les filles, 1 pour les garçons. Dernier extrait, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Vous voyez pas? Non, pas du tout. Bon, je vous le remets. Écoutez bien, soyez attentifs. Allez, vas-y, appelle-moi peut-être, merde! Non? Ah si, oui. Moi, j'ai trouvé. Ouais? Personne trouve? Non. Allez! Qui ça? Ah, des indices. Ah ouais, des indices. Bah appelle-moi peut-être. Ouais, c'est évident là, c'est la réponse. Bah oui. Aurélie. Téléphone. Ah mais non. C'est le tube de l'été. Si vous avez une idée avec le hashtag de Mickaël, allez-y hein, sur Twitter et le Facebook là. Ah, ils ont trouvé Emric, sur Emric. Non, Emric. Call me Melby. And this is crazy. So call me maybe. Bon, dernière alors, manche là pour. Bah du coup il en faut un parce que c'est deux partout là, vous m'avez mis bien la merde. Hein. Bon alors attendez, je vais en trouver un autre là. Je vais vous mettre un qu'on a déjà mis du coup, puisqu'on en avait prévu que 5 là. Un qu'on a déjà mis, c'est un facile. Écoutez bien, il est donné. Est-ce que c'est clair? Ok. Écoutez. Ah Aurélie. Aurélie, tu dis quoi? Téléphone? Ah non, c'est pas téléphone. Mais non. Avec téléphone. Mais non, c'est pas téléphone. Qui a une autre réponse? Et donne ton prénom. Aurélie. Oui. Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Tristan. À la recherche d'une belle gueule. Oui, qui me parle? Personne. Eh ben, visiblement beaucoup de monde, c'est parfait. Bon, eh ben, très bien, bah, bravo les filles. Merci. Les filles ont gagné, bravo Aurélie, bravo Anaïs, c'est bien, vous avez travaillé en tandem. Emeric et Florian, vous n'avez pas été mauvais, vous avez été très mauvais. Bouh. Très mauvais. Très. Florian tira au cachot dans l'armée des loups. Ah, c'est gentil. Je t'en prie. Tu seras corvée de chiottes. Voilà. Et tu vas éplucher les patates. Bon, salut tout le monde. Bah, si, tu vas voir. Ouais, Emeric, alors chacun son tour. Vas-y, Emeric, tu voulais dire? Tu sais, pour les métiers qu'on voudrait faire. Ouais. Moi, je voudrais être rugbyman au Stade Toulousain. Rugbyman? Bah, pourquoi pas, ça peut être pas mal ça. Bon, après, il faut y aller. Je suis trop vieux après pour le sport études. Pourquoi t'es trop vieux? T'as 16 ans, t'es sérieux? Bah, oui. Il faut commencer plus jeune. Ah, il faut commencer plus jeune. Ah, je sais pas, ouais. Je connais pas grand chose. Ça, c'est les idiots qui disent ça. Si tu veux faire du rugby, vas-y, entraîne-toi à fond et tu vas réussir. Il y a pas de raison. Ouais, après, prends des stéroïdes et puis ça, tu rattraperas. Bah oui, voilà, c'est ça. Après, ça va être dur, quoi. Bah mais oui, non. Mais c'est dur. Mais ça, de toute façon, t'arrives pas comme ça là où tu vas arriver du jour au lendemain. Ah, j'adore le rugby, je suis un passionné, je suis un fan. Bon, bah vas-y, alors fonce, mais toi, mets toutes tes choses de ton côté, Emeric, là, et arrête de perdre du temps, là. Vas-y, cours. Fonce, cours après le ballon. Fonce, cours. Bon, et tu mets des essais, Emeric, hein, c'est clair? Tous les week-ends, je m'entraîne. Bon, bah très bien, mais continue comme ça et encore plus. Ouais, Florian, une seconde, je parle. Bon, Emeric, continue comme ça, d'accord? Ok. Salut, Emeric. Salut. Salut, ciao à toi. Qui veut... Ah oui, Florian. Oui, par rapport aux conneries. Ouais, qu'est-ce que t'as fait, toi? Oui, alors j'avais construit... Bah moi, je vous ai appelé. Non, j'avais construit un château fort. Un château fort. Et quand ma mère rentrait dans ma chambre, c'est un doux. Petit, j'avais 6 ans. T'es validé en fait, pour doux. Attends. Laisse-moi t'écouter un peu, t'es doux. Voilà. Alors j'avais fait genre un donjon. Et puis, quand ma mère rentrait dans la chambre, ben, je l'enfermais dans le donjon. Et je me suis empalé contre le pont de mur. Eh ben bravo. 4 points de suture. Eh ben bravo. Ah putain, en parlant de conneries, putain, j'ai oublié celle-là, moi, que je suis con. J'avais pris ma couette dans le salon. Ouais. Et en fait, à un moment, j'étais la remettre sur mon lit. Et tu sais, sur mon lit, c'était un lit avec deux barres en métal, mais arrondies. Tu sais, ça dépassait pas le matelas. C'est deux barres en métal qui étaient à la hauteur du matelas, devant et derrière. Et comme un con, j'avais traîné ma couette au-dessus des épaules et elle traînait par terre. Donc je la tire jusque dans la chambre. Et je sais pas, à un moment, j'ai cru que, comme dans les films, j'allais pouvoir la lever au-dessus de ma tête et qu'elle allait, hop là, revenir pépère. Donc en fait, mais comme j'étais petit, hein, donc je l'ai tiré, donc j'avais les bras vers le haut et ensuite qui descendaient vers l'épaule, tu vois, je tenais la couette. Donc je l'ai lancé en baissant ma tête et bah, je me suis tapé sur le pif, la barre en métal. J'ai pissé le sang, mais ça a duré, je sais pas combien de temps. On a dû mettre les glaçons et tout sur le nez, ça coulait, il y avait partout, c'était une horreur. Oh là là, ça c'est d'accident con quoi, parce que c'est, à aucun moment la couette elle allait se retrouver nickel. Non, il y avait aucune chance, bah, je confirme. Bon bah salut Florian. Bah, est-ce que je pourrais faire une dédiée justement? Bon bah vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Bah dédiée à Camus et surtout à ma cousine. Qu'est-ce que t'as pas compris dans une seule personne, Florian? Oui mais c'est dans Camus, une personne. Ah c'est dans Camus une personne, t'as fait ta gueule, vas-y. Parce que les autres sont fous. D'accord, bah, t'as très bien, t'as raison. Voilà. Bon salut Flo. Allez, à plus. À bientôt, ciao à toi. Salut Aurélie, salut Anaïs, gros bisous les filles. Oui, attends, je peux faire une dédicace? Oui Aurélie, vas-y. Je fais une dédicace à tous les Portugais et je dis vive le Portugal pour la Coupe du Monde. Mais oui, vive à Portugal et CR7 bien évidemment va gagner cette Coupe du Monde, t'inquiète pas. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Bon, salut Aurélie, salut Anaïs, gros bisous, je vous embrasse. Ciao. Retour avec Mélanie pour les accidents qu'on aura Coralie dans quelques minutes. Marine également. Et puis Christophe qui voulait faire policier. On a Sébastien qui est à la BAC, justement. Bah, il va donner des conseils dans quelques instants. Restez bien sur Fun Radio. Alors, qu'est-ce que j'avais dit que je passerais, moi? Du coup, j'ai oublié. Black Pearl, t'as dit. Ouais, Black Pearl. Et alors, il fallait mettre aussi DBDB Sound. Attends, Black Pearl, faut que je trouve d'abord celui-là. Il est où cet enfoiré de Black Pearl? Black Pearl, Black Pearl. Ah voilà, il est là. Voilà Black Pearl, on va se le mettre maintenant sur Fun Radio. On se met bien là? Ouais. Tranquillement. Rebelle, Sydney House, Black Pearl, il est 1h30. Dans un instant, on fait les appels avec Toff également. Et puis, j'aime bien le faire sur cette chanson. Si vous débarquez d'une autre radio parce que vous avez peut-être été abandonné ou que vous vous êtes rendu compte que les autres radios c'était de la merde le soir, eh bien bienvenue sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit, on est ensemble tous les soirs de 23h à 2h du mat et tous les dimanches de 20h à minuit. Si vous ne connaissez pas encore l'émission, vous êtes les bienvenus. Et si vous connaissez l'émission et que d'autres ne connaissent pas encore l'émission, n'hésitez pas à faire passer le message, je compte sur vous. Tout terminé, autant pour moi. C'est... Ah oui, ça c'est quand on traîne sur Twitter et sur Facebook. Ah, qu'est-ce que je vous dis? Ah bah on peut pas être partout. Hein. Fun Radio. Mickaël No Limit. No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Ouais, il est 1h33 sur Fun Radio. Il y a le prince Nadia qui dit: moi je me suis déjà pris un poteau, mais violent. Résultat, une énorme bosse sur le front. J'ai encore une petite cicatrice. Il y a Benji Spears aussi sur le Twitter. Nouvelle chanson pour l'armée des doux avec le son d'Eiffel 65. I'm doux. Ah oui. I'm dude, buddy, da buddy, oui, ok, je sors. Oui, oui, tu fais bien, Benji. Bon, et en parlant de Twitter, on va faire un petit point top tweetos, puisque je rappelle que dans 30 minutes maintenant, on saura lequel sera numéro 1 et lequel repartira avec un sextoy offert par passagedudésir.fr. Évidemment. Allez, on y va, c'est parti, numéro 5. Fred S34. Numéro 4. Let's be freaks. Numéro 3. Drakit. Numéro 2. Paul PC28. Et enfin, le numéro 1. Vive les sodomies. Eh, vive les sodomies donc. Vive les sodomites donc. Qui est numéro 1. On verra dans 30 minutes comment ça va se passer. Je rappelle qu'on récompense l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission, c'est-à-dire celui qui a envoyé le plus de messages avec le hashtag Mickaël, tout simplement dans son message. Voilà, il vous reste donc 30 minutes pour changer un petit peu la tendance. Bonne chance évidemment. Et avant de récupérer tous ceux qui sont dans le standard là, on va se faire les appels de Toff là maintenant en speed. Les appels de Toff, puisqu'on s'est rendu compte là aussi sur un sondage, et ben que. Bah que les hommes qui voient des gros seins sont plus cons que les autres. Enfin surtout ils sont beaucoup moins réfléchis. Moins réfléchis, voilà c'est ça. Donc on l'appelle depuis tout à l'heure et c'est parti. Grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On y va, on l'appelle. Allez. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait je vous appelais parce que je voulais savoir si votre femme avait des gros seins monsieur. Et ta sœur a des grosses couilles ? Non, je crois pas, monsieur. Bah, va te faire reculer, hein. Bah, pourquoi vous me dites ça, monsieur ? Ah, il se raccroche en lui-même, d'accord, ok. Ta sœur a des grosses couilles ou pas ? Je vais lui demander. D'accord, je ne pense pas, mais... Bon, en attendant, on va le rappeler, le monsieur, là. Hop là, c'est parti. Allô ? Oui, excusez-moi, monsieur, mais vous avez raccroché un peu vite, vous avez pas répondu à la question. Mais il est fou, ce type-là. Mais pas du tout, monsieur, je vous pose juste une question. Et moi, je me emmerde, moi. Mais pourquoi... J'avais pas de femme. Ah, vous avez pas de femme. Vous êtes sûr de ça, monsieur ? Je suis pédé, moi. Ah, oui. Mais vous parlez avec votre femme, là ? Non, c'est votre femme, mais c'est un homme. Ah, c'est un homme. D'accord. Oh, puis tout m'emmerde. Chaque fois, il se raccroche au nez. Bon, j'aime bien le « Oh, et puis tu m'emmerdes oh, ». Ouais, enculé, celui-là. On le rappelle. Allez. Il décroche plus. Oh, chier, connard. Bah, enfin, monsieur, pourquoi vous me dites ça ? C'était pas la même voix, hein. Peut-être qu'il était vraiment gay. Oh merde. Bon, ah, bah, peut-être, tant pis. On aura dit quand même. T'as vu, j'ai l'impression que c'était pas la même voix quand même. Chier, connard. Ouais. Bizarre. Bon, dans un instant, je vous donne les excuses. J'avais dit que j'étais tombé sur un site. Les 5 excuses préférées des filles pour ne pas faire l'amour. On va en parler. On va récupérer d'abord Christophe qui est avec nous. Christophe qui va couper sa radio comme tout à l'heure. Allô ? Oui, allô, Christophe, donc, qui nous avait appelé parce que il voulait faire flic et plus particulièrement la BAC, mais qu'en fait il veut pas faire parce qu'il est, il est gay et qu'il a pas envie que ça sache, enfin bref. Et Sébastien qui est avec nous, 28 ans de Paris. Salut Seb ! Salut Mickaël ! Comment ça va ? Super ! Bon, toi tu bosses à la BAC et tu voulais appeler pour Christophe, toi ? Ouais, tout à fait. Bon, alors quoi, t'es gay aussi ? Je suis homo depuis mon adolescence, quoi. D'accord. Et c'est pour ça qu'il allait là-bas, qu'il avait envie de faire tourner sa grosse matraque. C'est ça. Et alors, est-ce que... Moi, je pourrais aider, y'a pas de problème, hein, c'est bon. Est-ce que, comme Christophe, dès que tu vois une matraque, t'as envie de te la mettre dans le fion ? Parce que c'est pour ça qu'il veut pas faire police, parce qu'il a peur d'avoir tendance à se mettre... Et c'est lui qui l'a dit, pas moi, hein, je fais que répéter, hein. Je t'avouerai, Mickaël, le plus dur, c'est pas ça. Le plus dur, c'est quand tu fais une fouille à corps et que le mec, il a un gros paquet. Je t'ai dit, franchement, des fois, je me retiens de pas la prendre dans ma bouche. Hein. Ah, mais quelle horreur ! Tu sais, moi, qui avais du risque... Tu sais, moi, ils m'ont toujours fait peur, les mecs de la BAC. Pour moi, c'est des surhommes, quoi. Je vais plus les voir. Des surhommes ? Mais non. Ah, on est nombreux en tant qu'homo dans la police, hein, tu sais. Oui, mais après, moi, je m'en fous, c'est pas le problème. Bac, hein, t'as des gradés, des commissaires, il y a tout ce qu'il faut, hein. Après, nous, on s'en fout, c'est pas le problème. C'est juste de dire que le mec est en train de vérifier si tu n'as rien, qu'il te fait une petite palpation, en fait, il a juste envie de te sucer la vite, quoi. Le, tu crois qu'il cherche une arme ou de la drogue, et en fait, mais il oui, envie quoi, de je n'ai, mais je l'ai mal vérifié. Moi, la palpation, c'est ma spécialité. Est-ce que vous avez des choses sur vous ? Oui, j'ai un gros paquet. Et attends, mais Sébastien, t'es à Paris, là, moi, parce que je pense que Toff est un dealer de drogue. Ouais. Et je pense qu'il a de la drogue cachée dans son cul. Ah, Toff, dis-moi où tu es, je vais la chercher. Ah, avec bah écoute, alors je suis 20 rue Bayard, ça s'écrit B-A-Y-A-R-D. Et c'est dans le 8ème. Avec plaisir, mon petit chouchou. Ah bah je t'attends. Oh putain, mais tu m'as tué le mythe des mecs de la BAC. Bon, et donc que tu m'ouvriras bien profond. Et moi je les ai vus plusieurs fois. Eh, je les ai vus. Vas-y. J'ai une très très grosse matraque si tu veux, Tof. Ah, je les ai vus tellement castagner des mecs. Tu vois, les courser, les taper à coups de matraque et de flashball. Et là, le mec, il est en train de... Voilà, tu m'as tué le mythe. Mais non. Mais alors, du coup, Sébastien, qu'est-ce que t'as comme conseil à donner à Christophe? Puisque lui, bah, il avait peur un peu de ça. Bah, écoute, moi, je suis algérien et PD dans la police. Et ça se passe très très bien. Donc, Tof, si tu veux... Si le mec, il me casse les couilles, je les tape. Tu me laisseras tes coordonnées en antenne, Christophe. Il n'y a pas de souci, je ferai ton, je te donnerai les conseils et il n'y a pas de problème si plus si affinité. Il te donnera des modèles de matraque. Ouais. Mmh. Bon, bah voilà. Je peux poser une question à Christophe? Bah bien sûr. Christophe, avec quoi que la tienne ou pas? Allô? Allô Christophe? Oui. Ouais, t'as une Christophe? Ouais, pas mal. T'as quel âge, 17. 17, ça me bon. Convient, ça me convient. Ça me convient, va très bien. Qui fait ses il va faire ta temps, formation, tu vas bah voir. Bah voilà, c'est ça. Ouais. Bon, bah Sébastien, Christophe, merci d'avoir appelé. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Ah, ok, ok. Christophe, tu peux me laisser tes coordonnées, s'il te plaît? Ouais, on va vous repasser au rantaine. Il est chaud, là, il est chaud, il est chaud. Ouais, on va vous repasser au rantaine, il n'y a pas de problème. J'ai une dédicace, je peux faire une dédicace à une amie à moi? Bon, bah vas-y, vas-y. Je fais une grosse dédicace à Audrey. D'accord. Eh ben, message passé. Y a pas de problème, Audrey de Nanterre. Le message est passé, y a pas de soucis. Audrey de Nanterre, on t'aime, on kiffe tous. Très bien, très bien. Stop, je vais te mettre ma grosse matraque dans le cul. Mais je t'attends. Parfait, il attend ça avec impatience. Et je vais te repasser, Christophe, du coup, là. Bah, c'est bien, hein. Oh là là, Polo sera plus jamais arrêté comme avant. Mais oui. Enfin, je me suis jamais vraiment fait arrêter, mais là, le mythe est tombé, quoi. Bah, j'imagine. Moi, je les voyais avec les matraques, fracasser des mecs. Et y a Sherazade qui jouerait être hôtesse de l'air avec toi comme pilote. Oh oui, ce serait cool. T'imagines, t'arrives là. Et moi, je serais là. Là, j'attendrai qu'elle termine de parler. PNC aux portes. Et nous pour l'instant là on recherchera où est passé l'avion. Ouais exactement, ouais. Je serai là en train de piloter. Puis je me dis bon je vais arrêter où là? Malaisie, Japon, bah les Maldives hein, plutôt apparemment. Apparemment on l'aura vu là aux Maldives. Ah bah ça va alors. Ah mais ça va, c'est parce que les gens ils partent en vacances. Bah c'est ça, apparemment on l'a vu là. Il y a des gens qui ont vu un avion à basse altitude dans les Maldives. Et ils pensent que c'est lui. Ouais, ça fait quand même 11 jours maintenant là. Ça fait 11 jours quand même. Il y a Johan sur l'application Mickaël No Limite qui dit: au travail, j'ai glissé d'un toit sur une tuile cassée. Résultat, deux doigts cassés, fracture ouverte au poignet, mâchoire déplacée et une tache de sang dans la tête du cou. 4 mois d'arrêt et ça juste avant les vacances. Oh la galère. Ah ouais, ça c'est relou hein. Et il y a un message aussi de Julien du 7-1. Un matin hangover, donc je vais pisser au fond d'un pré et là 24 volts de retour sur le gros. Ça m'a réveillé. Ça doit te réveiller sec hein. Et Mallory aussi sur le Twitter: je dois avouer que c'est une émission de dingue, je ne peux plus m'en passer de cette dinguerie. Bah, merci Mallory, merci beaucoup et gros bisous à toi. J'espère que t'as prévenu tes potes également qu'il se passe enfin un truc à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe. On aura Polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Si vous voulez participer à cette grande émission d'écoute, De générosité et d'offrande. Tout à fait. Si vous voulez participer, si vous voulez passer dans l'émission, eh bien appelez maintenant 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. En parlant d'accident à la con, on a Coralie avec nous maintenant de Valbonne. Salut Coralie. Salut Mika. Comment vas-tu? Ça va. Tant mieux. Alors, bienvenue. Qu'est-ce que t'as fait comme accident à la con, toi, Coralie? Ben, en fait, moi, quand j'étais petite, j'ai fait Tarzan avec les rideaux et je me suis ouvert la tête. Fait Tarzan avec les rideaux. Mais quelle idée! Ouais. Tu faisais le cri et tout? Vas-y, fais-le un peu pour voir. Non, c'est... Allez, Coralie! Non. Ah, tu faisais le... Aïe, aïe, aïe, non? Non, je faisais pas écrit, juste je m'amusais avec les rideaux et je me suis pris l'angle du bureau dans la tête en fait. Waouh. Et ma mère elle est venue super effrayée. Sans blague. Elle m'a mis la serviette autour de la tête et je suis partie à l'hôpital après. Eh bah oui, forcément. Et t'avais quel âge quand t'as fait cette connerie? J'avais 9 ans. Ah oui, bon bah c'est jeune, c'est vrai. Attends, on va demander aussi à Mélanie tiens, qui est avec nous là, de Monton Ménestrol. Ménestérol. Oh merde. Ménestérol. Enfin bref, Michael. En Dordogne. Oui, voilà. Tout à fait, Michael. C'est mieux comme ça. Yes, ma, yes, yeah. Melanie. Yeah, Melanie. Bon, alors Melanie, qu'est-ce que t'as fait comme connerie, toi? Ah bah, moi, je me suis brûlé les deux mains avec du caramel bouillant. Ah, c'est toi qui m'as envoyé le message. D'accord. Oui. Et donc, toi, tu fais du caramel bouillant, tu fais du caramel maison et après, tu te crames les mains. C'est pas mal. Non. Ma grand-mère était en train de faire de la pâtisserie. Ouais. Et puis, bon, j'avais envie de roux-doudou, comme dans l'enfance. De roux. Et j'ai demandé de me mettre du caramel dans un petit récipient et puis que je mette au frais pour qu'il durcisse. D'accord. Elle m'a dit, attrape le récipient. Moi, j'ai attrapé comme une couille un récipient en plastique. Bien au vu. Au lieu d'en attraper un en verre. Le plastique m'a fondu sur les doigts. Ouais. Et comme c'était que sur une main, comme une couille, je l'ai fait jongler sur l'autre. Eh oui, forcément, tu dis, ben, tant qu'à faire, autant cramer les mains des deux côtés de la même manière, quoi. Bah oui, c'est pour que ce soit équitable. Tant qu'à faire, autant faire les choses bien. Mais oui, mais t'as raison, évidemment, évidemment. Non, mais t'as très bien fait. Bon, si vous avez d'autres conneries comme ça, n'hésitez pas à nous appeler. Hein. Maintenant, évidemment, hein, vous balancez vos messages 01 42 48 5000. Tenez les filles, Coralie, Mélanie, vu que vous êtes là et que je vais balancer dans quelques minutes le top 5 des excuses pour ne pas faire l'amour. Est-ce que vous avez, vous, un top 5 d'excuses que vous utilisez avec votre copain pour ne pas faire l'amour avec lui? La migraine? Non. La migraine, oui, ok. Et toi, Mélanie? Zone rouge. Zone rouge, et toi, Coralie? Non, elle a mal à la tête. Mal à la... Ouais, donc migraine dans l'absolu. Alors, excuse numéro 5. Vous n'êtes pas d'humeur. Voilà, ça c'est la première excuse. Enfin, c'est l'excuse la moins souvent donnée, mais quand même donnée. Donc... Ouais, non, je suis pas d'humeur. Ouais, j'ai pas envie. Voilà, voilà, pas envie. Bon, ok. Ouais, ça passe. Bon, excuse numéro 4. Vous avez... La migraine, voilà, c'est quand même la pire excuse du monde, puisque le sexe est un bon analgésique, justement, analgésique naturel, donc quand vous faites l'amour, et encore plus au moment de l'orgasme, eh bien votre corps libère des endorphines, comme je le disais tout à l'heure, et de la dopamine, ces deux hormones du plaisir, capables d'atténuer les douleurs, comme les maux de tête, justement, et les migraines, et ça coûte moins cher que le Nurofen. Ouais, ouais. Hey. Tu vois, Polo? Voilà, c'est ce qu'on aurait dû faire ce week-end. Ouais, c'est ça. Alors, excuse numéro 3. Prenez des notes, les filles, hein, des fois que ça puisse vous intéresser. Vous n'avez pas le temps. Bah oui, voilà, encore une raison, encore une mauvaise raison. Le stress d'être en retard augmente le plaisir, apparemment aussi. Hein. Excuse numéro 2, vous n'aimez pas votre corps. Alors là, il faut arrêter la parano également, hein, puisque si lui, il a envie de vous, c'est qu'à un moment, il vous plaît, vous lui plaisez. Ah bah oui. Donc ça n'a pas de sens de dire, ouais, mais non, parce que en fait, j'ai un demi-bourrelet qui passe là. Ouais, mais on s'en branle en fait. Hein, donc si on est avec vous, c'est que techniquement, ça se passe bien. Tu et vois. On le baise, le bourrelet, nous. Voilà, et enfin, excuse numéro 1, donc... Vous êtes trop fatigué. Là aussi, mauvaise excuse. Hein. Il fallait pas attendre d'être au lit pour faire l'amour. Parce que c'est quand même le pire endroit, c'est faire l'amour au lit. Parce que mais effectivement, oui. Quand t'es couché, et tu sais, t'as tendance effectivement un peu à t'endormir et après t'as peut-être un peu la flemme. Faites ça ailleurs, dans le salon, la cuisine, dans la voiture. Enfin, j'en sais rien. Oui. Non, mais c'est vrai. N'importe où. Dans la cave. Oui, c'est plutôt pour Toff. Hein, dans la croix. C'est quoi l'endroit où vous faites le plus souvent l'amour, Coralie et Mélanie? Moi, je ne répondrai pas parce qu'il y a mon grand frère qui écoute l'émission et j'ai pas envie de me faire défoncer derrière. Non, mais t'inquiète pas. Attends, il est dans quelle ville, le grand frère? Il est à Bordeaux. Il est à Bordeaux. Alors, attends, je vais pousser sur un bouton et bon, il y a que nous qui allons entendre, hein, et les Parisiens également. Voilà, alors attends, hop là, vas-y, tu peux dire, donc c'est où? Parce que là, il entendra pas, là. D'accord, ok. Oh, ça va, putain. Eh, franchement, ouais, t'aurais pu le dire. Là, ils vont être tous frustrés, là. C'est ça, la moitié de la France est frustrée. Bah, en fait, il n'y a que Paris et la Belgique qui ont entendu. Ouais, voilà. C'est la classe. Bon, autres... tant mieux, je me ferai pas défoncer, alors. Voilà, c'est ça. En gros, elle a dit qu'elle aimait bien se faire défourailler sur la table de la cuisine. Ouais, voilà. Là où tout le monde mange. Michael, voilà. Comme ça, le grand frère est au courant, maintenant. Voilà. Bon, gros bisous, Mélanie. Est-ce que c'est possible de faire une petite dédicace? Allez, bah vas-y, à la table de la cuisine. Non. Je dédicace à mes frères et puis à ma belle-sœur qui m'écoute en ce moment. D'accord, bah, le message est passé, y a pas de problème. Salut, salut. Merci, ciao, gros bisous à toi, Coralie, également. Ouais, bisous. Je t'embrasse, ciao, à bientôt les filles. Et puis bah appelez-nous encore hein, si vous voulez parler avec nous. On est là jusqu'à 2h. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Aurélie qui dit salut à tous. Pour la question au niveau des excuses pour pas faire l'amour, moi j'ai la vérité quand j'ai pas envie, mais c'est assez rare. C'est plutôt mon copain qui me dit souvent non, on peut car j'ai mal au ventre ou j'ai la gastro. Très romantique quand même. Ah ouais, effectivement, ouais. Mais c'est bizarre que le mec dise ça, c'est bizarre. Il y a Guillaume qui dit aussi putain, Michael, c'est quoi ce bordel? Ça fait fait 6 mois que je t'écoute, j'ai jamais eu de message de bienvenue, est-ce que je peux en avoir un petit, un bien hardcore? Bah bien sûr. C'est ça que tu aimes, hein, te faire sodomiser toi, hein. Bah voilà Guillaume, et Hugo qui dit moi je veux faire comme Toff, suceur de bite. Professionnel. Ah oui. Cyril qui dit moi je suis nettoyeur d'avion mais j'aimerais être conducteur de train. Ah ouais putain c'est marrant, c'est être nettoyeur d'avion et vouloir être conducteur de train. J'aurais compris que tu sois que tu veuilles être pilote par exemple, mais conducteur de train c'est bizarre. Dédé également sur le Twitter, je suis routier, mon boulot me plaît tellement que je changerais pour rien au monde. Et Mika à l'apéro qui dit pour la migraine, un petit Doliprane écrasé sur le sexe. Et là tu dis chérie, en comprimé ou en suppo. Ah elle est bonne. Ah elle est très bah, tough la note hein. Ah bah je la ressortirai. Et Ness qui dit c'est bizarre de vouloir devenir médecin légiste. Perso je supporte pas de me retrouver en présence des morts. Et Jeanne Françoise qui dit oh moi je voulais bosser dans une morgue, c'est la première fois que j'entends quelqu'un d'autre qui veut faire ça. Et ben comme quoi finalement ça arrive à tout le monde. On écoute le son, on l'avait demandé tout à l'heure, de DJ Fresh maintenant, DBDB Sound. Il est 1h49, c'est Mickaël de Limite. Bienvenue si vous arrivez pour la première fois sur Fun Radio ou pour la première fois dans cette émission là. On est là tous les soirs jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Merci d'être là. DJ Fresh sur Fun Radio avec DB Sound. Fun Radio. Mickaël No Limit, No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Exactement. Et il y a la photo de Snoop Dogg et de Toff en mode French manucure hein, sur le Facebook de l'émission, sur le Twitter et sur Instagram. Il suffit de simplement taper M-I-K-L officiel pour, eh bien pour voir la photo. Il y a Abdou qui dit moi je veux vraiment être animateur radio, Mickaël. Bah écoute, je te souhaite bonne chance, Abdou. Faut y aller. Après, ça dépend ce que tu veux faire comme émission, mais c'est clair que si tu veux faire une émission comme la nôtre, bah par exemple rien qu'en France, on n'est pas nombreux, tu vois, à pouvoir faire une émission comme ça. On est 5-6, allez 5,5 on va dire. Donc voilà, non, c'est vrai, 5,5. Donc voilà, tu vois, il n'y a pas beaucoup de place non plus. Donc faut avoir aussi un peu de chance, c'est clair. Il y a Vive les Sodomites qui dit je kifferais être pilote de ligne. Oh putain, moi aussi grave. Jérémy Titi qui dit moi je suis pâtissier, j'adore. Oui, bah nous on adore, surtout quand tu viens nous livrer, Jérémy Titi. Et Thibaut également, salut, c'est quoi le nom de la musique de l'auditeur? Là je kiffe, comme vous le dites, le style de tragédie. Ah oui, c'était tout à l'heure ça. Ouh là, je sais plus. Ah, je sais plus, j'ai effacé la page. C'était toc toc toc, non? Tic ouais, tic tic. Toc, toc, ouais, c'est ça, c'était toc toc. Toc toc, mais je me souviens plus du nom, malheureusement. Non, Toca. Toca, bon je sais plus. Enfin bref, en tout cas quoi qu'il en soit, on avait passé un petit extrait tout à l'heure. Bon, on n'a plus beaucoup le temps malheureusement Marine, mais on va quand même te prendre maintenant, on va essayer de voir de quoi tu veux nous parler, et puis au pire on t'appellera demain Marine. Pas de soucis. Qu'est-ce qui se passe Marine? Oh mais si j'avais su que t'avais une voix aussi douce, on t'aurait pris beaucoup plus tôt. Ben oui, voilà. Normal. Bon, qu'est-ce qui se passe Marine là, de Metz là? De quoi on va parler avec toi? Ça fait 9 mois que j'ai pas eu de copain ni de relation sexuelle et mes amis me trouvent un peu bizarre. Bah qu'est-ce qui se passe? Comment ça fait que ça fait 9 mois? Bah je sais pas. Bah il y a bien un truc. Marine, combien mesures-tu? 1m68. Combien pèses-tu? 58 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95D. Ah D comme Denise alors. Et la taille, oui, des pantalons que tu as acheté? 38. J'arrive, on va réparer ça tout de suite. Bah arrête ton cinéma, là, je pense qu'elle a bon goût. Ah merde, attendez, j'ai oublié la musique. Et toi, je tiens à te rappeler que l'autolib ne va pas jusqu'à Metz. Ah ouais, merde. Est-ce qu'elle est bonne? Voilà. Bon, et écoute, Marine, effectivement, c'est une chose assez particulière, mais ce que je te propose, c'est qu'on te rappelle demain pour en parler plus en détail. Pas de soucis. Demain vers 23h. Petite dédicace. Bon, allez, vas-y, vas-y. Joyeux anniversaire à JB. Oh oui, à JB, ah, qu'on va prendre dans quelques minutes d'ailleurs. Surtout Toff qui va lui prévoir une petite surprise. Oui, je vais le prendre à quatre pattes. Ah, bah, j'imagine, il sera content. Bon, Marine, on te récupère demain 23h, d'accord? Pas de soucis, je te fais des bisous. Bonne soirée. Demain, Marine, enfin même à tout à l'heure hein, dans l'absolu. Très bien. Bon, et si vous voulez vous aussi nous appeler, n'hésitez pas. Hein, on est là jusqu'à 2h comme tous les soirs. Il y a des messages qui sont réveillés. Il y a Indule Piu-Piu qui dit bonsoir mes petits loups. Là, je vous fais un gros bisou et pour pas changer, Polo, I love you. Oh, et hashtag Toff enculé. Mais elle a raison. Non, mais elle a raison. Et Jean-Pascal qui dit bonsoir de l'équipe. Et pour ta gorge, prends de l'huile corps d'homme. De l'huile de corps d'homme, c'est du sperme en fait. Ah d'accord, ok, j'ai pas capté. Non, ça ira, je préfère avoir mal à la gorge et avoir une pharyngite là comme là maintenant. C'est pas très grave, je survivrai, ce n'est pas un souci. Bon, on va se faire le top tweetos dans quelques minutes. Nous aurons également le générique, bien entendu. Et puis là, il est l'heure de se faire, eh bien, cette magnifique, grande, énorme, extraordinaire émission qui est Polo Against the Rest of the World. Eh oui, bienvenue dans Polo contre la reste du monde, vous êtes sur Fun Radio. J'explique, je suis obligé de me déplacer pour avoir un standard digne de ce nom. Les doux sont prioritaires, hein. Si vous voulez passer, vous êtes doux, vous êtes doux, je suis doux. Ne nous endurcissons pas. On commence tout avec Bilal ou Bilal. Ouais, Paolo. Salut Bilal. Salut, bien quoi? Oh, je m'appelle pas Paolo, hein, c'est Polo, P-O-L-O. Ah, c'est pareil, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, c'est comme si je t'appelais Billet. Non, je pas tué mon prénom. Bon, vas-y Bilal. Ouais, dis-moi. Dis-moi. Qu'est-ce qui est petit, carré et jaune? Je sais pas. Eh ben le petit carré jaune. Ah, c'est drôle ça Bilal, le gueulard dans Polo contre le reste du monde. Le gueulard. Le gueulard. Le gueulard. Le backer dans Polo contre le reste du monde. Ouais, Polo. C'est quoi un backer? Je suis de la bac. Ah, d'accord, ok, je t'écoute. Voilà. Est-ce que je peux faire une petite fouille afin de vérifier si tout est ok? Je préfère pas. Pourriez-vous, je te demande pas ton avis, pourriez-vous vous mettre à quatre pattes s'il vous plaît, afin que je vérifie s'il n'y a rien dans l'anus? Non mais on fait ça juste après, ça me plaît. Polo? Ça me plaît. Polo? Je t'écoute, ça me plaît, qu'est-ce que tu veux? Ah bah c'est là que je dois parler? Bah oui, ça me plaît, c'est là, tu sais, ça s'appelle une conversation, tu parles, je réponds, tu parles, je réponds. Ah bon, mais pourquoi? On échange, bah parce que c'est comme ça, c'est la vie, Simplet. Ah, c'est ça la vie? Bah oui, Simplet, enfin non, c'est pas la vie, ça fait partie de la vie, ça s'appelle une discussion. Bah oui, mais tu m'as dit que c'était la vie, Polo. Non, écoute, Simplet, je vais pas t'expliquer la vie, Simplet. Bah, non, mais tu m'as dit que c'était la vie, alors... Oh là là, il m'a gonflé celui-là, Bilal. Bah, Polo. Ouais, je t'écoute. Ouais, tu sais que tu m'excites. Ta voix, elle me donne pas envie. Eh hey Bilal, tu vas te calmer, je te mets une baffe à travers le micro là. Non, moi je veux pas une baffe, moi Paolo. Tu veux quoi, Billet? Je veux ce que t'as entre les jambes, Paolo. Eh hey Bilal, t'as un problème mon pote. Non, Paolo, s'il te plaît. Arrête de m'appeler Paolo, ça m'énerve. Paolo, s'il te plaît. Oh là, le gueulard. Ouais. Le gueulard. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, le gueulard? Et à part gueuler, tu sais faire autre chose? Ouais. Bon, le gueulard est là, on est content. Le backer, le mec de la bac. Ouais, Polo, ouais. Donc il y a un moment, effectivement, on a trouvé quelques grammes dans votre anus. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut vous les rendre si je peux mettre la grosse matraque à l'intérieur. Mais je suis pas... en fait, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux, le mec de la bac, là? Le backer. Je voudrais te mettre la matraque dans le fion, en fait. Je parce pratique que pas ce genre de truc, moi, tu sais. Ça nous excite, nous. Ouais, mais moi, j'aime pas trop. Oui, mais c'est les forces de l'ordre, hein. On vous demande pas votre avis. Ah ouais, mais moi j'ai pas envie, backer. Ah non, j'en ai rien à foutre, Simplet. Ouais, j'ai pas compris, Polo, il veut faire quoi, le monsieur? Il veut rien, Simplet. Qu'est-ce que tu veux, Simplet? Bah, je veux savoir ce qu'il veut faire, le monsieur. Il veut... Ça te regarde... Simplet, ça ne te regarde pas. Bah, pourquoi ça me regarde pas? Parce que ça ne te regarde pas, c'est l'affaire entre moi et ce monsieur. Mais pourquoi c'est une affaire entre toi et ce monsieur? Parce que c'est comme ça, Simplet. Mais pourquoi c'est... Oh là là, mais c'est pas possible, ça. Bilal. Polo? Ouais, je t'écoute. On peut faire un plan à trois. Avec qui? C'est qui le troisième? Avec le backer. Eh mais Bilal, t'as vraiment un souci, toi. S'il te plaît, Polo. Non, Bilal, me saoule pas, ne me saoule pas. Le gueulard! Bon, le gueulard, tu fais quoi demain? Le backer. Ouais, Polo, alors, comment ça se passe? Tu as kiffé ou pas, cette matraque? Non, mais je ne veux pas, le simplet. Ouais. Ouais. Mais pourquoi tu veux jamais me répondre, Polo? Mais parce que t'as pas de questions, en fait, Simplet. Tu ne poses pas de questions. Mais si, je te demande des choses, mais chaque fois, tu veux pas me répondre. Mais, bah, vas-y, pose-moi des questions. Mais il veut quoi, le monsieur d'abord? Il veut rien, ça te regarde pas. On va terminer ce Polo contre le reste du monde, le backer. Tu kiffes, Polo. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Cette grosse matraque dans ton cul. En fait, j'aime pas trop ça. Le backer? Ouais. Allez, casse-toi. Bilal? Ouais Bilal. Est-ce que je peux te dilater l'anus? Tu veux quoi? Te dilater l'anus. Non ça ira. Le gueulard. Le gueulard. Non. Bilal, on conclut. S'il te plaît, Polo. Tu veux quoi? Je veux pas avoir l'anus bien vileuse. Non allez casse-toi d'ici, le gueulard. Conclusion. Conclusion Bilal, le gueulard. Allez dégage, Simplet. Ouais, pourquoi il crie, monsieur? Oh là là, mais t'es bête ou tu le fais exprès? Non, pourquoi tu dis ça? Il gueule parce qu'il a envie de gueuler, simplet. Mais pourquoi il a envie de gueuler? Parce que c'est comme ça. Parce qu'il a envie. Ça se contrôle pas. Oui, mais pourquoi il contrôle pas? Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est con. Bon, simplet. Oui, Polo. Tu vas y aller ou je te raccroche au nez? Mais pourquoi tu veux que j'y aille, Polo? Oh là là, parce que tu m'as cassé les couilles. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Vous êtes toujours sur Fun Radio. Exactement, oui, tout à fait. Allez hop, c'est terminé pour ce soir. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Il faut un moment. On va se faire le top tweetos là, 2h02 sur Fun Radio. On va voir quel auditeur a été le plus influent avec ce fameux hashtag MIKL. Allez, c'est parti, on y va. Quel est donc le numéro 5? A savoir que le numéro 1 repartira avec un sextoy offert par Passage du Désir.fr. Évidemment. Allez, c'est parti, numéro 5. Alors, numéro 5. 5, c'est Fred S34. Voilà, numéro 4. Let's be freaks. Numéro 3. Paul PC28. Numéro 2. Drakit. Pas beaucoup changé depuis une demi-heure. Hein, non. Top là. Et numéro 1. Vive les sodomites. Vive les sodomites qui a déjà gagné, lui, en revanche, me semble-t-il. Il me semble. Nous irons donc voir le deuxième, troisième et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui n'a pas encore gagné, bien entendu. Et qui repartira avec ce sextoy offert par PassageDuDésir.fr. Bien entendu, évidemment. 2h03 sur Fun Radio. L'heure maintenant, non pas du crime, mais bien sûr de se faire le générique de fin. C'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es ton gueule, t'encules ton oncle, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car t'encules ton oncle, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger, car t'encules ton oncle toute la journée. Va te faire foutre, mon pédé, là. Ça que tu aimes, te faire sodomiser, toi, hein. Mais va te faire enculer. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu veux qu'elle te laisse foutre ton cul? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, va, dégage! Connard! Connard! Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé! Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé! Tu bouffes des bites, t'as te sucer, toi l'enculé! T'es tellement ça te fait enculer, toi ton oncle c'est un enculé! Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai! Suce ma bite. Voilà! Comme d'habitude, 2h04 sur Fun Radio. Merci, comme d'hab aussi, à tous ceux qui étaient connectés ce soir. Évidemment, vive les sodomites qui a gagné le top Twitter. Soit Ophélie, Wendy également, il y avait Let's Be Freaks, il y avait Eddie qui était connecté sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Il y avait également Mickaël de Limit, même pas, c'est pas moi, c'est un autre. Drakit également, il y avait Mr. Smith, Alex aussi qui est débarqué, il y avait Ness bien entendu également. Uncut, il y avait Mika Lapéro, hein, qui nous a bien fait marrer, Mika Lapéro, avec son coup de l'aspirine là. Oui, c'est vrai, ouais. J'ai beaucoup aimé. Je la replacerai. Ouais, tout à fait, pas mal. Il y avait quoi aussi, Let's Be Freaks, Mallory bien entendu aussi, qui était là. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y avait Guillaume, il y avait Abdou, il y avait le Tilter, etc., etc. Merci en tout cas, comme d'habitude, d'avoir été là ce soir avec nous. Demain, on se retrouve à partir de 23h pour déjà la dernière de la semaine. Oh. Eh ben ouais. Alors, ça passe vite. Demain, on fera le canular également à partir de 23h. Hein. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas, faites-moi un mail maintenant. Il y aura des téléphones portables à gagner, smartphone avec Android. Donc, si vous voulez piéger quelqu'un comme tous les jeudis soirs pour le canular du jeudi, eh ben, ça se passe maintenant sur mon mail mikl@funradio.fr. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël nos limites durent longtemps, hein, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Hey, il est 2h05 sur Fun Radio, là. C'est l'heure également de recevoir JB. Salut. Ça va? Salut JB, salut Polo. Cette mauvaise nouvelle, il y a 24 ans, naissait. C'est ma grosse merde. 24 ans. Bon, allez, quand même, musique d'anniversaire, hein, comme je l'aimais à tout le monde. Voilà. Je suis ému. Ah, et toi, fais une surprise pour toi. Non, non, non. Bah quoi, tu veux pas voir la surprise? Tu veux lui fuser la bite hier, c'est l'occasion. Non, non, je veux pas de cadeau. Il a quand même branlé son micro en arrivant. Ah, tant pis. J'y vais, t'as un porc. C'est clair. Tu m'as touché la cuisse, Polo, je le dis à la France. Mais c'est vrai, je t'ai touché la cuisse. Oui. Oh, quelle horreur. la France. Non mais il aime les hommes, moi ça me dérange pas. J'accepte. C'est utile alors qu'il les aime, il a touché tout le monde. C'est ça quoi, c'est ça qui est ouf. Bon, 24 piges mec. Tu nous as prévu quoi pour ces 24 ans là? Non mais les gars, du son d'Explore, mais aujourd'hui. On peut mettre le Magic System. Le dernier. Allez. Attends. Mais va te faire enculer. Non allez, c'est mon anniversaire. On le met. Et alors, je m'en branle. On le met maintenant à 2h06, on en parle plus en fait. Attends. Allez, va, dégage. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas, on va le mettre dans ton casque, mais nous on va écouter autre chose. Voilà, si tu veux, ouais, dans ton casque on peut le mettre. Vas-y. Hein, ça me paraît pas mal ça comme plan, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bah je sais pas comment tu vas faire techniquement, mais vas-y. Tout est possible. Tout est possible. Ah oui, tout est possible. Tout est possible. Va te faire enculer, connard. Voilà. Va te faire enculer. Exactement, voilà. Allez, on se quitte avec les Magic System. Oh, c'est cool pour jouer. Je le vois pas prévu comme non, disque là. Non, c'est marrant, moi non plus. Bon, vas-y, mets-moi les Magic. Allez, on va chanter avec tout le monde là. Attends, c'est quoi? C'est Magic in the Air. Vous savez qu'il y a des auditeurs sur Twitter qui ont espéré que les Magic System venaient ce soir en karaoké à 2h du matin. Bon bah je suis un peu déçu, je vous cache pas. Malheureusement ils ont pas pu venir parce qu'ils étaient déjà pour Clichy pour faire une soirée karaoké. Vous pouvez pas être partout. C'est malheureux mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Ah bah allez, on écoute les Magic System maintenant tiens. Hein? Ouais bah ouais. Quoi, tu n'aimes pas Clean Bandit? Si, j'adore, bah bon. Ouais, Magic Allez, System. Rather be, et bon anniversaire avec les Magic System qu'on écoute maintenant. C'est génial, c'est les Magic System sur Fun.